Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Je l'assume de moins en moins. À chaque fois, je fais un petit peu. Mais non, parce qu'il y a le jingle par-dessus, c'est ce qu'il faut que tu te dises. Oui, voilà, ouais. La magie du montage. Ah, mais il n'y est plus. Il n'y est pas. Oui, mais écoute, je travaille sur iPad maintenant, c'est tout un bordel. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast. Je suis Florent Bernard et comme à l'accoutumée, bien sûr, je suis accompagné d'Adrien Méniel. Bonsoir. Comment vas-tu, Adrien? Ça va bien. Ça va bien. C'est un petit ça va, ça. Écoute, déjà je dis ça va bien. Déjà c'est bien. Non, oui, c'est bien. Mais attends, va, tu t'es régalé de pita, d'hummus et de caviar d'aubergine. C'est vrai. C'est le highlight de ma journée. Elle donne tous les petits inside. Elle est autrice et comédienne. Vous l'avez vu sur le YouTube français à travers ses vlogs et ses sketchs. Vous l'avez vu aussi à Studio Bagel. Elle est le parfait mélange du talent de Nathalie Baye et la physicalité de Nathalie Simon. Oh. C'est Nathalie Ozirachko. Oui! À chaque fois, tu innoves au niveau des introductions. C'est magnifique. Il est au sommet en termes d'écriture. De au summum. Il est summum. Merde, au 113. Oh, 113. Oh, tu cherchais. Okay. On se fout des lois. On se fout des doigts, t'as dit. Oui, c'est pas ça. Ah, il se fout grave des doigts. Non, j'ai dit on se fout des lois. C'est des hors la loi. Non, il se fout des doigts aussi, 113. De mémoire. Quand ils foutent la merde, en tout cas, souvent, ils se foutent des doigts. C'est là où est la merde. On se fout pas des lois, on prend des risques. Oui, on des risques au-dessus des lois, on mise tout. Ah, si un jour la chance se présente, on tente tout, au maximum, jusqu'au bout. Oh là là. Et j'adore cette chanson. Mais il adore le 113. Ouais, il adore ça. YouTubeuse influenceuse, vous l'avez peut-être découvert à l'époque dans les vlogs de la dite Natou. Elle a aussi été, enfin elle est toujours d'ailleurs costumière, mais vous l'avez peut-être vu au studio Bagel. C'est Mélodie Collant. Oh, oui. Comment ça va, Mélodie? Bah, ça va mieux qu'Adrien, apparemment. Ça, c'est pas dur, généralement. Mais ça va très non, bien. Non, mais ça va, je suis bien, ça va. On a enchaîné deux épisodes, on va être honnête aussi avec vous. L'épisode que vous, que les auditeurs entendront la semaine prochaine, on l'a déjà enregistré et vous êtes le il est 3h du mat. Il est 3h. Voilà. On remercie d'ailleurs Squeezie SARL qui nous accueille. On a toujours dit Squeezie First, donc. On continue à l'être. On continue à dire Squeezie First et qui nous accueille gentiment, gracieusement dans ses locaux et on le remercie. Voilà, ça fait toujours plaisir. Après, si Cyprien veut nous accueillir, c'est plus près de chez nous, donc je veux bien. Non mais on le remercie. Bien sûr, je rigole. Avant de commencer le jeu, déjà un instant promo. Je suis désolé, mais après j'ai peur de l'oublier. Mais oui, je vais le dire si tu veux. Ah bah vas-y. Zach Mimoun. Zach Mimoun dans les griffes. Zach l'artiste. Mimoun. Dans les griffes du mandarin. Bien sûr. Jack Mimoun et le secret de Valverde, qui est en VOD sur de multiples plateformes, dont YouTube. DVD, ou Blu-ray DVD, si j'allais vous êtes aussi. Ah, pardon, dont YouTube, par exemple. C'est vrai, c'est sur YouTube, tu peux l'acheter sur YouTube. Sur YouTube. Donc régalez-vous. Et pourquoi je dis ça? Bonne tranche de rire, une bonne tranche d'aventure. D'aventure. Et pourquoi on dit ça? Parce que on peut vous faire gagner des Blu-ray, des DVD. On est sur énergie. Il te regarde aussi, ça, c'est pas pour toi. Non. Parce qu'il t'a regardé. Oui, c'est vrai. Du coup, j'ai vu qu'il y avait. Non, mais je vous enverrai un lien Pirate Bay. Vous inquiétez pas. Non, j'ai payé. Il est sur Stremio. Évidemment. La deuxième vie du film commence, j'ai envie de vous dire. J'ai regardé comme ça. Non, mais voilà, donc on vous fait gagner, plutôt moi, soyons honnêtes, mais l'émission vous fait gagner des Blu-ray et des DVD de Jack Mimoun. Si vous répondez à cette question, Nathalie, quelle est la question? Qu'est-ce qu'a mangé Adrien Méniel avant d'enregistrer le Floodcast? Est-ce de la pita? De la pisse? De la pisse? Ou une pizza? Si vous avez la bonne réponse, envoyez-la sur l'Instagram du Floodcast, Floodcastpod, avec une petite phrase qui dit je joue au jeu Jack Mimoun machin, et il y aura peut-être je participe. Et si on a beaucoup de bonnes réponses, ce qui n'est pas sûr, on tirera au sort pour envoyer du DVD. Et oui, et dites-moi si vous voulez un Blu-ray ou un DVD, voilà, et vous serez peut-être tiré au sort pour gagner le Blu-ray ou le DVD que je vous dédicacerai à la volée, parce que voilà, sûr, comme ça. Avec une petite phrase dont elle secrète. Oh bah c'est ça. Bonne aventure. Oh là là. Un truc un petit peu foufou comme ça. Mes petites dédicaces. Oh, j'ai des petites dédicaces, moi, comme ça. Ah, mais on est vraiment devenu la radio. Mais on va appeler incroyable. Des hôtels, mais on va faire des canulars. Mais est-ce qu'on fait gagner des loyers? Comme Guillaume Play, on va est-ce dire. On va faire gagner des loyers. On peut. Et répondre à des questions sexo. J'adorerais. On l'a déjà fait un peu. Alors, pas forcément que sexo, mais. Non, pas que, oui, non. Mais on avait fait un épisode avec des auditeurs qui nous parlaient un peu de leurs soucis, tu vois. Et on aimerait le faire d'ailleurs. On aimerait le faire. C'était assez cool à faire. Mais avant toute chose, nous allons faire le jeu du Floodcast. Alors, je vous posais une pause des questions. Il prend un kiff ce mec. J'adore les jeux, je peux pas mentir. Et on est dans la pièce du jeu des imposteurs là. Est-ce que ton nez est-ce qu'il est en train de s'allonger quand tu dis ça? Non. Bah parce que tu ne mens pas. Bah non, il dit la stricte vérité. Je savais pas où il allait. Bah non, mais j'ai sûr. Dit non. Bah, à Aldi, les célèbres magasins aux États-Unis. Ouais. Enfin, il y en a aussi en France, mais là en l'occurrence c'est aux États-Unis. Il y a eu des émeutes pour un produit. À votre avis, quel produit? Ah, je crois que j'ai... Attends, l'alimentation. Les biscuits Prince Aldi. Prince Aldi, oui c'est bien lui, le supermarché. On se met des doigts, Alors ce n'est pas ça. C'est de la nourriture ou pas? C'est pas de la nourriture. C'est de la tech. Merci de l'avoir précisé. Tu n'as pas écrit ça avant de venir. Dis-moi un peu les thèmes que je puisse préparer des blagues. Pierre Aldi, bon sang. Pierre Alditi, non. Est-ce que c'est du petit électroménager? Ce n'est pas du petit électroménager. C'est un Bosch Fresh Up. Pour... Alors on en a parlé pour expliquer aux gens avant l'émission. Parce que bon, c'est le Mélo bon plan. Pue la clope. Oui. Alors, elle a une vie. De cigarette, alors je ne fume elle pas. A sa life. Non, mais c'est pas moi. Hein. Non, mais je sais. Mais c'est vrai que c'est incommodant. Et du coup, moi je sens rien. Moi, et pourtant, j'ai un odorat très développé. Très développé. Parce que pourquoi? Parce que je n'ai jamais fumé justement. Ah. Et donc nous, on se disait merde, désolé, on sent un peu la sueur parce qu'on a enregistré une émission avant. Et tu disais, mais vous inquiétez pas, je sens la clope. Et Adrien, ouais. Véritable influenceur électroménager. Ah bah oui. Et fashion un peu. Ouais, un petit peu fashionistos. Non, je lui ai conseillé un appareil qui s'appelle le Bosch Fresh Up, qui marche avec, alors je crois que c'est des ondes plasma. Voilà. Ah bah pas mal. Et c'est un appareil électronique et on passe sur le vêtement et ça détruit les odeurs. Mais t'as dit que c'était quand même un peu long à faire. Bah, c'est un peu long parce qu'il faut faire 15 mouvements en cercle comme ça et tout. Il faut aller doucement quand même pour bien que ça passe partout. Est-ce que finalement, placer en machine son vêtement n'est pas plus rapide? Oui, mais c'est pour des trucs où t'es genre, j'ai pas le temps. Et si t'as un collègue qui pue, tu peux lui frotter sur le dos un petit doucement, peu, alors, comme ça, en lui parlant. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que dans les indications, ils disent surtout ne le faites pas sur les vêtements que vous portez. Ah, mais dans oui. la vidéo de démonstration, c'est vraiment des gens qui le font sur eux alors qu'ils portent les vêtements. Donc voilà. Mettez-vous d'accord, sur la tête, Bosch ou pas? Mettez-vous d'accord, Bosch. Hein, du travail de pro, sauf sur la com, j'ai l'impression. Oh. Et dans vos gueules, les grosses entreprises. Non, mais ça marche, ça marche vraiment. Ça détruit les odeurs. Donc c'est évidemment, ça ne remplace pas. Tu l'as tout à fait bien relevé. Justement souligné. Une machine. Hein, les geeks, on vous voit venir là. Avant d'aller à Japan Expo là. Il y a une petite douche à côté, hein, pendant que machine elle tourne. On n'oublie pas. On frotte sous les bras. Bien frotté. Il a le dos large, le RERB. Hein, ça pue avant, hein, quand même. Donc à Aldi, des émeutes. Mais oui, des chaussures. Non. Comme Leader Price. Des non, Lidl. C'est Lidl. Des Aldidas. Oui. Oh là là. Ça la régale, Nathalie, comme on la connaît. Un bon jeu de mots. Ça, pareil, il l'a improvisé. Hein. Oui. Une promotion générale. Alors, ce n'est pas une promotion, attends. C'est vraiment pour le produit en lui-même. Et c'est de la tech ou pas, je sais pas. Ce n'est pas de la tech. Est-ce que c'est de l'alimentaire? Ce n'est du alors, textile. Non, ce n'est pas de l'alimentaire. Mais. Après, j'ai toujours peur que je me trompe sur les termes. Quand j'ai dit que ça ne se mange pas. Ça ne se mange pas, voilà. Très bonne réponse. Du textile? Non. Alors, attends. Du coup, ici, il a hésité sur alimentaire. Ah, est-ce que c'est genre des couverts ou des choses non. qui sont... Non. Ah, okay. Est-ce que c'est, par exemple, du savon ou du... Non. Ça se mange pas, mais OK. Encore une fois, big up au Japan Expo. Et au Bosch Fresh Up. Est-ce non. que c'est pour un Bosch Fresh Up en non, promo, pas du tout. Non. On n'est pas à sponsor. On n'est pas à sponsor, la cité. 85 fois depuis le début. Désolé de rire aux éclats mais dans ne ce pas. Un indice, peut-être. Ce n'est pas de l'alimentaire, mais ça se consomme. Du CBD, de la drogue. Pas du CBD, pas de la drogue. Ça se consomme, c'est culturel. Pas culturel. Du savon. Alors, pas culturel. Ah, oui et non. Pas culturel, c'est mais. Des produits d'entretien. Ce n'est pas des produits d'entretien. Des DVD. Non. Pas mais des c'est DVD. Pas culturel. Ah, attends. Mimoune, non. C'est vrai. Je vois que tu veux parler de Jack Mimoune, dispo d'ailleurs en VOD, en DVD, en Blu-ray. Non, mais n'hésitez pas. Et en Blu-ray chez Aldi, peut-être. Chez Aldi, peut-être qu'à la Fnac, sur Amazon. Qui aurait provoqué une émeute, ce qui est bien normal. Car c'est un excellent film, n'oublions pas. Non, c'est. Quand tu dis culturel, non, mais peut-être que c'est un produit à l'effigie ou sponsorisé par une vedette. Un produit dérivé, par exemple. Entre autres. Jennifer Lopez. Ah, de l'alcool. Non, de l'alcool. Pas de l'alcool, boisson, mais c'est une boisson. Boisson. Une boisson énergétique. On est pas loin, exactement. Oh. De qui? C'est la question que je vous pose pour 2500 euros. Et on pourrait citer tous les noms de la planète, en fait. Un acteur, ah, enfin, serait, quelqu'un du cinéma. Très long. Alors, il a joué dans des films, il n'est pas connu pour ça. Je crois que c'est pas Kev Adams qui a fait des boissons. Ah non, c'est pas. Non, c'est aux États-Unis. Non. C'était non. Pas énergétique. Mais c'est possible qu'il ait fait des boissons. Oui, il a fait des eaux. J'en ai acheté une par mégarde. Ah, mais ça, il y en avait fait, je me souviens. C'était ça par mégarde. Bah, j'avais pas volontairement acheté la boisson de Kev Adams. C'est, j'avais été attirée la par drink la bouteille. Waters, il avait lancé, coup, effectivement. Dit, voilà, water? Drink Waters, de boire de l'eau. Ouais. Tout simplement de l'eau. De l'eau. Directeur humoriste et ses deux associés proposent une gamme de boissons fonctionnelles en bouteille aluminium. La Drink Water. Voilà. Ouais, ça, c'est Kev Adams. Alors, ce n'est pas ça, mais on est sur une boisson énergétique. Et donc, ce serait un sportif? Non. Un chanteur? Chanteur, chanteuse? Un comédien? On a dit. Alors, il a un YouTuber? Un YouTuber. Mr Beast? Non. PewDiePie? Non. Waouh, on n'en connaît que des Américains. Si, Logan Paul. Ah, très bonne jolie. Réponse de Mélodie Collant. Oh, wow. Logan Paul. Attends, t'es en train de me dire qu'après un film excellent dans un avion. Y a-t-il un YouTuber dans l'avion, évidemment. Il nous sort une boisson. Ah oui. Il est inarrêtable. Ah, il est inarrêtable. Les gens l'adorent. L'ancienne proposait. Peut-être les Japonais, pas trop. L'ancienne proposait une importante promotion sur des boissons énergisantes créées par le YouTuber Logan Paul. Seulement 300 bouteilles étaient vendues dans chaque boutique et les clients ne pouvaient en acheter que 3. Des bagarres et des bousculades ont été observées dans plusieurs magasins Aldi. Qui sont ces gens qui veulent. Déjà qui aime Logan Paul, mais en plus qui au point de vouloir sa boisson énergétique. Grosse promo hein, quand même, parce que c'était vendu 1,99 livres, soit 2,25€, au lieu de 29,99 livres, c'était soit 33 euros. Aux États-Unis, c'était au Royaume-Uni, je me suis trompé. Ah, La boisson était à 33 euros à la base. La canette, la canette. Je sais pas si c'est le pack ou la canette, en tout cas 33 euros. Le pack, j'espère quand même. Le pack de bouteilles de 2 litres. Oui, très cher. Oui, c'est Logan Paul après, attention, c'est un peu. Mais c'est tombé à 3 euros, donc vraiment voilà. D'ailleurs, on éclatait. Car c'est les stocks de cette boisson étaient très limités. Les clients n'avaient le droit d'acheter, bon ça je l'ai dit, que 3 bouteilles. Et en fait il y a eu plein de photos, plein de vidéos postées sur les réseaux sociaux pour montrer des scènes surréalistes où des hommes s'arrachaient les bouteilles des mains. On voit également un homme arracher la bouteille des mains d'un enfant. Des images qui rappellent fortement les débordements qui avaient eu lieu en janvier 2018 pour des pots de Nutella. Ça je me rappelle. Ah, oui, mais les pots de Nutella c'était différent, je trouvais, parce qu'il y avait quand même un peu une couche de. Il y avait les pauvres. De pas d'argent. Voilà, oui, c'est voilà. Ça, c'est des gens qui avaient pas de sous pour acheter Nutella. J'ai pas d'argent avec la petite marionnette. Alors comment ça va les mecs? Donc là non, c'est plus c'était des boissons énergétiques. C'était uniquement les beaufs de tous les strates sociales. Des riches beaufs, des pauvres beaufs. Quoi qu'il arrive, des beaufs en tout cas. Ouais. Nathalie, est-ce que toi t'as déjà proposé d'être l'égérie d'une quelque chose, boisson énergisante ou de la bouffe ou quelque chose? Oh, non, pas égérie, mais des partenariats de, par exemple, d'une célèbre marque de fast-food. Oh. Et j'ai dit non. Car ça n'allait alors pas que le montant était quand même appétissant. Ah, ouais. J'imagine. Plus et que la bouffe. Je réfléchis, mais non, mon éthique. Aïe. Ouais. Donc non, mais ça t'intéresserait pas de faire. Par exemple, on sait que Mister V fait la pizza de la mama. Est-ce que toi, c'est un truc qui pourrait être, je sais pas, créer. Je sais pas ce que tu aimes dans la vie. Mais je sais pas si les trucs. T'avais fait des bijoux, ceci dit. Attirer les du kombucha, qu'est-ce ouais. Qu'est-ce que t'adores? Je sais pas. Des olives. Moi j'adore les. Imagine Nathalie. J'adore les pitas, si vous voulez ce que je. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une réponse. Attends, pas trop d'avis, attention. J'ai l'impression que t'aimes tellement la pita que t'en aurais peut-être fait une chanson. Oh. Est-ce que t'as bien précisé que c'est la première personne qui répond qui gagne? J'ai dit que c'était au tirage au sort, j'ai dit. Ah ok, c'est tirage au sort. Ouais, mais t'as raison, première réponse. Je verrai. Non, mais je pensais que c'était. Non, mais vous le dire. Première réponse et du coup plus personne participe. Oui, voilà. Non, surtout. Pas enfin, les le buzz courait à votre père. Ouais, c'est vrai que j'ai peur que dès 9h, j'en dis ça n'a rien de joué. Tu vois. Bah, s'il y en a un qui l'a en ce moment, non. Et oh, et oh. Bah, si, tu veux des commentaires. Tu peux te calmer. Mais non, s'il mais plaît. C'est en DM. T'as ah dit. Non, c'est en DM. Ah, j'aurais dû le mettre en commentaire, j'aurais fait ah, du riche. Mais bien, mais quel connard. On s'en fout. On s'en bat les couilles. Mais on n'est pas des gamins. Ni pauvre, ni riche. Oh. J'ai rarement écouté une chanson de Nathalie parce que. Et c'est peut-être un peu un indice pour la réponse du jeu de Jack Mimoune. Ah, c'est peut-être un indice, mais c'est long. On met le début, on verra. Je précise que c'est une chanson que j'ai fait juste pour moi, comme ça, qui ne verra jamais le jour. Tu l'as fait pour c'est une totale exclu. Pour les près de 100 000 auditeurs du Floodcast. C'était pour séduire un homme, à vrai dire. Ah, ça a fonctionné. Il adorait. Allez, vas-y. Déjà, Balavoine. L'intro est long. Non mais. Non, il n'y a pas de. On savoure. Moi je la connais donc. Petite boulette de kefta recouverte de sauce blanche. Petite boule brune de viande savoureuse roule autour de moi. Embroché sur un pic en bois, je m'en lèche déjà les doigts. Oui, mais elle rentre dans la de tête, la hein. Bonne viande hachée finement ou poulet tikka. Oh là là. Oh, oh, oh, oh. Ta cuisson, ton odeur, tout me va. Je t'avale sur place ou chez moi. Sauce samouraï, frites et Coca-Cola. J'ai du bon pain chaud pour toi. Ah bah, le refrain. La pizza. Je te veux si tu veux de moi. Bravo. Alors, incroyable. On peut dire aux gens, vous n'avez goûté qu'un extrait, parce que j'ai eu la chance de recevoir la chanson. Ça qui dure 2 minutes. Qui dure la durée de la chanson Laziza. Ah, bravo, t'as écrit toutes les paroles. Ouais. Parce qu'on peut le dévoiler, c'est toi qui chantes. on peut dire un peu les coulisses de cette chanson. Ah, j'aime beaucoup ça. Moi. Ah, je te l'enverrai. Ça me rappelle, j'ai oublié son nom, mais vous voyez l'épicier. L'épicier qui est sur TikTok et sur Insta, et qui. C'est un mec qui a une épicerie, genre en région, parce qu'on dit en région. Ouais. Et en fait il fait ça en fait avec des produits qu'il vend quoi. Ah oui. Et genre il en a fait sur on me l'a envoyé en disant ça va plaire à Adrien, c'est drôle, on m'a envoyé sur le compte podcast et avec Gigi Pop on est très très friand de ça. et en fait il chante. Je vais pas le faire parce que j'ai pas les airs en tête, mais genre il prend, je sais pas, une poêlée campagnarde d'us et il prend un air connu et il change les paroles pour dire. Non mais je connais pas. 3 minutes à la poêle, c'est vraiment super bon. Ouais. Il est sur la Zoubida malheureusement. Et il en a fait. Il en a fait sur les Tampax, notamment. C'est plaisir. Tout y passe. C'est complètement ton humour, Adrien. T'as peur qu'il se fasse harceler par les auditeurs. Ouais, toujours. C'est un peu le. Mais. Mais ceci dit, moi, si j'ai. Si vous le harcelez, je vous retrouve. C'est le Jason Statham français. Ouais, c'est voilà. Dingue. Mais un peu l'autre. Ouais, oh, chut. Liam Neeson. Ouais, bien sûr. Oui, voilà, merci. Bien sûr. Mais moi, j'aime beaucoup les gens qui font ça dans la vie, parce que moi, je me souviens d'Adrien. Peut-être on le fera écouter aux auditeurs, tu choisiras. Mais à Baptiste Lorbert, tu lui avais envoyé une chanson où tu l'insultais. Ouais, mais. Juste chanson en off, et c'est juste qu'il insulte Baptiste Lorbert pendant 3 minutes. Mais une chanson qu'il a écrite et composée. Genre, J'ai composé, mais écrite, il y a 3 mots. Hein. C'est juste qu'il l'insulte pendant 3 minutes. Et t'avais fait quelque chose ou c'était juste comme ça? Non, je sais plus. Mais attends. Non, parce qu'il s'était foutu de moi parce que j'étais en train de faire la musique et il m'avait dit ah ouais c'est quoi ta musique de merde que t'es en train de faire, et je lui avais dit ah bah, et je lui avais envoyé une vidéo et j'avais dit ah bah écoute si tu veux écouter ce que je fais comme musique, et en fait j'avais fait une musique où je l'insultais. Il l'insultait pendant 3 minutes, voilà. Un bonheur, ça m'a régalé, je peux pas vous dire mieux. Mais moi je me suis rendu compte récemment que mine de rien ça a un impact, les gens connus qui vendent des trucs à bouffer ou à boire. Genre, ah ouais, j'ai eu il y avait Karamzi qui ont fait une pub pour t'es Quick, un Yankli, je suis un vrai Yankli et ça m'a donné envie d'un Quick. Si, pas parce qu'il y a Eric Karamzi qui ont fait la pub, mais de les voir, j'ai fait oh là, c'est marrant. Ah, mais y a c'est McDo, mais moi plus. À l'époque j'étais allé au McDo pour acheter les verres que présentait Florence Foresti, collection de verres, bien sûr, il y a longtemps. Mais Quick ils en avaient fait plein, les verres. Il y avait aussi Omar et Fred, ils avaient leur burger. Le Koé Burger. Cultissime. Un des meilleurs burgers. C'est peut-être Koé, il sera plus connu pour le Koé Burger que quoi que ce soit d'autre après quand il sera décédé. On lui rendra. Je sais pas. Il y a Zidane, il va peut-être marquer aussi. Ah, c'est vrai qu'il y a Zidane, il va marquer. C'était lui. Il y a Zidane, il va taper. C'était le remix de Koé, mais à la base, c'était Zidane, il va marquer. Carrière. Mais c'était déjà lui l'original. C'était lui. Il s'est remixé. Ah non, c'est pas lui, Zidane, il a tapé. C'était pas Koé. Ah d'accord. Okay. Ah non, je remets les points sur les i. Une conversation, un dialogue de chant, tout simplement. Vraiment, on n'a rien compris à ce que l'autre disait. Une marque, on parle de marque, va devoir. Aldi ? Non, va devoir se séparer de ses mascottes. Fait une blague. À votre avis, quelle marque et pour quelle raison ? Alors, une marque. Banania ? Alors, non, ce n'est pas Banania. Non. Mais il y avait eu. Ah bah oui, je crois. Ils avaient changé un peu le packaging. Alors, ouais. Ah si, je l'ai. Ah ouais. Oula, wow. Attention. Les M&M's. Oh. Ah mais oui, parce qu'ils ont fait des non-binaires, des M&M's non-binaires. Oui, ils ont relooké les M&M's en les faisant, effectivement, non-genrés, etc. etc. Ah oui, non-binaires, parce qu'en fait, ils les avaient genrés déjà avant. Ok. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est les genrés. Ils les avaient genrés, et le mec, c'était plein. Non, parce qu'ils non, non, oui, attends, non, ils étaient genrés et ils les ont dégenrés. C'est ça. Il y avait une M&M's femme. Voilà. Et après, Fox News était plein. Il avait dit ah bah super. Alors maintenant, il y a même plus de femmes et tout. Genre comme s'ils se branlaient sur des M&M's. Baiser, non, c'est pas ça. C'est que le personnage féminin avait des talons et il a mis des baskets et rien que ça, ça avait créé déjà des histoires pas possibles. Parce qu'il disait ouais, elle est même plus sexy maintenant et tout. Une femme sans talons. Faut vraiment avoir envie de baiser des M&M's, hein, c'est vraiment terrible. Et donc du coup ils ont ils vont remettre les talons au petit personnage. Non, il n'y en aura plus non, du tout. Bah non, il y a plus là, jusqu'à c'est... nouvel ordre. Il y a plus du tout. C'est-à-dire qu'ils ont ils se sont dit bon bah pour éviter au cas des problèmes, on met plus de bonhomme M&M's. Ah là là. Donc normalement il y a plus de personnages M&M's dans le packaging M&M's. Oh. Alors que jaune et rouge nous amusaient dans les pubs en 3D avant Avatar, etc. Oui. On se régalait de ces deux personnages et ben bah, voilà, c'est fini. Donc bravo les fachos. Comme quoi la cancel culture, elle est de quel côté? Oh. La ziza. La pita. Un commerçant de Colmar a été condamné à 100 jours d'amende. À votre 100 jours d'amende oui pas. Vous nous devez 100 jours, c'est-à-dire. Non, bah, à 100 jours d'intérêt généraux, pardon. Il y a une amende. Alors, je me permets, on dit intérêt général. Ah oui, tu te permets. Voilà, je me permets. Parce qu'en fait, c'est l'intérêt général. Ah. C'est les travaux d'intérêt général. Très bien. Je me permets. Mais tout le monde commet l'erreur depuis tout le temps. Bah moi en tout cas. Travaux d'intérêt bah, général. Moi, bon, bah, oui, jusqu'à c'est pas si longtemps que ça. Jusqu'à être un putain de génie. Voilà, ouais. Non, mais je m'intéresse, tu vois. les pauvres gens. Moi, je suis pas encore sur mon petit nuage là dans ma maison de campagne, Florent. Tu vois. Oh, mais bon, t'as quoi contre les gens qui ont une maison de campagne en fait? C'est quoi ton problème, une, man? Ça va, une, ça va. donc, oui, c'est à Colmar que c'est arrivé. Un donc commerçant condamné. 100 jours de tige. 100 jours de tige, voilà. Parce qu'il a fait un truc pas dingue. Mais un commerçant, tu dis? Un commerçant. Est-ce que c'est de l'ordre de montrer sa quéquette? Non, c'est pas dégueulasse. Est-ce que c'est de l'ordre? Enfin, c'est pas dingue, mais c'est pas sexuel. Est-ce que c'est de l'ordre de balancer un truc sur la voie publique devant non. son commerce ou un truc comme ça? En mettre en vitrine piste, peut-être. Non, mais voilà, mettre... j'étais sur des sauts de piste. Non, pas et de piste. Merde. Vendre des trucs périmés. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Oh non, là c'est beaucoup plus que 100 jours de tige. Ah, tu crois? Cela dit, moi je trouve que les 100 jours de tige sont pas dingues par rapport aux. Enfin, je pensais qu'il aurait. Un problème de violence? Alors. Est-ce qu'il a dégradé un commerce concurrent? Non. Est-ce qu'il s'est mal comporté avec un client? Alors non, mais il s'est mal comporté avec ses stagiaires. Encore une fois, ce n'est pas sexuel. Mais c'est stagiaire de 3e, donc c'est pas n'importe quoi. Ah, qui était en stage d'observation. C'est ça, vous savez, ce petit stage de 3e. Il leur a demandé de faire un taf ingrat ou un truc comme ça. Alors, ça, c'est tous les petits stagiaires. Ouais, mais là, du coup, 3e, ouais. T'es censé rien faire. Non. Alors, quand je vois comment les stagiaires sont traités de manière générale, je me dis que là, il a dû pousser le bouchon un peu loin. Ah, ça, c'est. En comme plus, c'était pas vraiment censé il travailler. Il les faisait venir chez lui pour faire le ménage. Alors non, bah, mais ça aurait pu être ça. Ouais. Non, à domicile. Non, non, c'est dans le milieu mais, du travail. Mais d'ailleurs, tu travailles pas en stage d'observation. Ouais, enfin, le ménage, troisième, tu regardes. Et c'est tu stage d'observation normalement, c'est ouais, ça. Ouais, tu, le fais, ménage, tu peux faire des petits trucs. Dans la boutique. Non, pas le ménage. Est-ce qu'il se barrait, il les laissait tenir la boutique? Non. Il y a un petit début de Pixar par contre là, qui pourrait être cool. Non, il a organisé des choses avec. Des combats. Oh, mais non! Un commerçant de 22 ans était condamné à 100. Alors ils disent 100 jours amende, hein, ici. Et il garde son magasin. Enfin, pour avoir réalisé des combats entre deux de collégiens. Stagiaires. Pour avoir réalisé des combats entre deux collégiens en stage dans son établissement. Mais c'est horrible! Robert, horreur, le collège Robert Schulman de Wolgensheim qui a prévenu la gendarmerie. L'un de ses élèves avait été filmé par un second stagiaire à la demande du maître de stage. Une autre vidéo avait été filmée par le commerçant. Cette séquence a été publiée sur les réseaux sociaux. On y entend le jeune homme qui l'encourage, l'un des mineurs. Vas-y, va sur lui, j'ai misé sur toi. Mais attends, il y avait du public? Oui. Non, c'est fait dans le commerce. Pour son plaisir personnel. Pour son plaisir seul de voir deux. Deux collégiens. Wow. Ah, c'est pas dingue. C'est ouais, pas attends, dingue. Pas fou. Mais cela dit. 100 jours d'amende. Bah, le commerçant s'est également vu infliger une interdiction d'exercer une profession, une activité bénévole le mettant en contact avec des mineurs et d'entrer en contact avec la victime. Il devrait également assister à ses frères à un stage de citoyenneté. 1000 euros de dommages intérêts ont été alloués à l'adolescent régler, victime. Mais cela dit, dans les années. Genre. Fin 90-2000, il y avait des vidéos qui s'appelaient Bum Fight. Ouais, c'était des SDF. Ils donnaient de l'argent à des SDF pour qu'ils se battent entre eux. Mais ça, c'était tous les trucs très dark du début d'Internet. Ouais, c'était. Je sais plus comment ils s'appelaient. Mais ça doit exister encore, c'est sûr. Ouais. Ouais, bah, il y avait des sites, tu vois, des trucs horribles d'accidents de voiture et tout. Moi, j'ai traîné Squid Game. C'est Squid Game, en fait. C'est plus ou moins Squid Game. Excusez-moi, mais là. Squeezie Game. 1, 2, 3 soleils, une balle dans la tête. Pour moi, c'est ça. Ouais. Vous avez fait quoi comme stage de 3ème, vous? Moi, j'étais. Oh là là. C'était... Oh, je sais plus. Tu sais plus, je te laisse un peu de temps. Mélodie, tu te souviens? Je viens d'un collège tellement pété qu'il n'y a pas. Il n'y a pas ça, ah ouais. Pas. Moi, c'est peut-être aussi que ça n'existait pas. Existait ça existait peut-être pas à l'époque. J'ai pas fait ça, moi. Ah ouais? Attends, je crois que c'était l'ambassade polonaise la à Paris, moi. Oh. Ah, ouais, cela dit, il y a un lien. Ça, le nom, il claque, mais c'était, c'était pas foufou. Tu t'es fait chier? Je pense que tu t'es ennuyé, ambassade polonaise à quoi? 13 ans, 14 ans? Ouais. J'ai bossé dans une ambassade. Je devais juste trier des feuilles. C'était pas ouf. Ah oui, en tout cas, dit comme ça prouvait pas. Ouais, j'ai rien appris. T'as bossé dans une ambassade? Non, pas du tout, en fait, je crois. Non, c'était un lieu qui accueillait genre les ambassadeurs de tous les pays, enfin des gens qui venaient et tout, et je tenais la salle informatique. Oh. Et donc je devais dire yes, you want a computer, you can go here if you want. Oh. Et vraiment, il y avait genre un gars qui venait de la journée, donc je très rapidement j'ai amené une manette et un jeu, et j'ai joué sur les ordi, quoi, parce que j'avais rien à faire. Moi j'ai passé dans un cinéma, dites-vous, dans le cinéma de ma ville. Oh là, c'est fait pour toi, ça. Ça, c'est lié, déjà ça. Mais pour la petite histoire, qui est quand même un peu amusante, c'est que donc, je bossais dans un cinéma qui est un petit cinéma de ville. Moi, je viens du coup d'une petite ville de pas énormément d'habitants. Et on avait reçu... Le Majestic d'Autun. C'est pas le Majestic, c'est le Arletty. Mais t'es pas si loin. J'ai inventé. Ah, ok. Et on avait reçu Brise de Nice, le film. Et j'ai dû coller les bobines, parce que c'était des bobines à l'époque, maintenant c'est des DCP. Wow, mais... On parle d'une époque. Oh, vous parlez à l'époque. C'était pas TikTok. Il y avait de la. Ah non. Ça, il n'y avait pas des combats de stagiaires à l'époque. Et on faisait du coup, on collait les bobines pour les mettre. Et pour la petite histoire, des années après, j'ai réalisé la pub de Brise de Nice 3. Donc c'est quand même un peu rigolo. Oh là là. Le hasard. La bobine est bouclée. La bobine. Et Florent aussi, il est bouclé d'ailleurs. Ah, ça avec mes cheveux. Aïe, aïe, aïe, elle a dit. Nathalie, elle l'a tiroté comme un bon vin. Oh, je le garde en bouche. aux États-Unis, une cagnotte a été lancée pour une dame qui a déjà récolté 70 000 euros. Oh. À votre avis, pourquoi cette cagnotte a été lancée? Qu'est-ce qu'a fait cette dame pour mériter cette cagnotte? La réponse n'est pas financer le film du monde à l'envers. Elle n'avait pas besoin de quelque chose, elle a mérité. Elle a fait quelque chose qui, selon les gens qui donnent, du coup, mérite de l'argent, et elle a récolté 70 000. Elle a sauvé une vie? Elle n'a pas sauvé 10 000. Mais est-ce que cela dit, elle il faut d'ailleurs que quelqu'un m'aide. Je n'ai qu'une seule vie, moi, personnellement. Bah oui. Ouais. Quel est le remède? De Palmas. De Palmas, oui. Mélodie, elle l'avait pas. Non, je l'avais pas. J'étais encore sur la dame. Est-ce qu'elle aurait, par exemple, recueilli des animaux en grande quantité? Pas du tout. Non, mais est-ce qu'elle était dans une telle Noé, des stagiaires? Non, pas de stagiaires. Est-ce qu'elle était dans une situation difficile qui a non. provoqué non. le truc, ou c'est juste non, elle cadeau a fait quoi. Une bonne elle action. A fait une bonne action. Et donc cadeau quoi. Et donc cadeau. Elle a fait une bonne action, les gens ont décidé que ça méritait autant d'argent. Alors cela dit, c'est une cagnotte en ligne, donc ils n'ont pas dit viens on te donne 70 000 non, euros. Mais les juste gens, ils ont dit ceux qui veulent donner donnent, et le truc est en train de monter à 70 000 euros. Et parce que elle a fait quelque chose qui a été genre capturé en vidéo et qui a fait le buzz sur la toile. Tu parles d'un good buzz ou d'un bad buzz? C'est plutôt un good, je dirais. Ouais, ok, plutôt un good buzz. Good, ouais. Écoute, je n'ai pas non, trop l'info. Si ça pas d'importance. Enfin, non, j'ai pas trop l'info, mais oui, j'imagine. Il y a peut-être eu un reportage à la télé ou un truc comme ça. Oui, voilà. Elle était mise en avant. Un petit peu, ouais. Est-ce que ça aide. Pardon, vas-y. Non, bah arrête. Non, mais je n'en ferai rien. Est-ce que ça concerne une autre personne, un autre humain? Alors, d'une certaine manière, oui. C'est à peu près ce que j'allais demander. Un humain, est-ce qu'elle a les yeux des gens? On est pareil. Un humain, mais c'est vraiment une bonne action. Pensez aux bonnes actions un peu que tout le monde peut faire. Oui, bien sûr. Elle a hébergé quelqu'un chez elle? Elle n'a pas hébergé quelqu'un. Une bonne action que tout le monde peut faire? Non, pas que tout le monde peut faire, mais où tu te dis. C'est... Non, mais qui est connue comme bonne action. Ouais. Souvent, c'est des dilemmes moraux. Si t'arrives ça, tu fais quoi? Et c'est un peu un dilemme moral. Et quelqu'un s'est elle fait agresser. Elle a trouvé un portefeuille ou elle a trouvé une somme d'argent qu'elle a ramené. Oh. Alors, ça se passe dans le Michigan. Et effectivement, une employée de charcuterie a trouvé un sac contenant. Pas très éthique, ça. À mes yeux, bien sûr. Pour moi, il faut qu'elle rende l'argent. Mais a trouvé un sac contenant 15 000 dollars, soit plus de 13 000 euros. Et au lieu de conserver l'argent, elle a appelé la police et a rendu le sac d'argent. Donc elle a rendu l'argent. Exactement. Depuis, une cagnotte a été ouverte à son nom pour qu'elle puisse remplacer sa voiture tombée en panne il y a un an. Ah bah elle était quand même. Oui, mais en tout cas, ce qui a été récompensé. On gratte un petit peu, Élise Lucet. Mais parce qu'elle a décidé de rendre ce pognon, les gens se sont dit oh, il faut lui donner une petite piécette. Voilà. Et c'est monté jusqu'à 70 000 euros. Ça a peut-être encore augmenté. Elle a une Tesla. Non, mais ceci dit, c'est quelque chose de c'est mignon. Ah, c'est mignon, oui, parce que ouais. En vérité, après parfois on fait des bonnes actions et elles sont absolument pas récompensées, faut aussi le dire. Oui. Je suis d'accord avec ce que vous allez dire. J'ai rendu de nombreux portefeuilles. Il y a pas forcément une morale blindée, ça a rendu des portefeuilles ici. Ah oui. Ah bon? Ah oui, alors moi j'ai jamais oui oui. Ouais. Ça, moi, c'est un truc que ma mère m'a vraiment... je sais pas pourquoi, mais quand j'étais petite, ma mère, un jour, a perdu son sac à main avec tous ses papiers. Et je la revois en panique. Il y avait le permis, enfin, tous ouais. les trucs, tu vois. Et je la revois en panique de ouf. Et en fait, elle a reçu quelques jours plus tard un colis avec son sac à main dedans. Et j'ai vu dans ses yeux à quel point elle avait été trop contente parce que bah, administrativement, ça lui enlevait une charge mentale pas possible. Et je sais pas, ça m'a vachement marqué. Tu gardes pas... Ça te redonne vraiment foi en l'humanité. Un espèce de truc de « Ah, cool, les humains, ouais. on cesse de donner des petits coups de pouce, ouais. des fois. » Il y a un truc un peu comme ça. Moi qui me suis fait voler mon portefeuille, du coup, je le range jamais. Non, mais toi, Nathalie, si tu... alors aujourd'hui... Tu roules sur l'or, donc je ne pose pas la question. Mais à une époque, est-ce que, je sais pas, tu tombes sur un portefeuille, est-ce que tu... Je suis jamais tombé sur un portefeuille. Enfin, oh, peut-être quelqu'un fait tomber quelque chose devant moi, je dis oui. « Madame, monsieur, vous avez fait tomber votre sourire. » Là, il vous dit « Mais... ah, tu étais harceleuse de rue !» Ah oui, c'est vrai que t'as fait ça 2 ans, on oublie. Non, mais une fois, ça m'est arrivé qu'il y ait des billets qui dépassent un distributeur. Ah. Et je les ai pris. Oh. Oh. Il y avait au moins 100 euros. Oh non, oh, wow. Pas mal, là, t'as pas il y a longtemps. Ah, ah non, mais je comprends. Je les ai pris en plus alors que t'es filmé. Hein. Mais non, mais il y a. Ouais, bah après, ça se trouve, il y a une vidéo de surveillance avec moi qui fait. Le bad buzz. Le bad buzz. Non, mais là, je veux dire, ils sont anonymes les billets. C'est impossible de savoir. À mais qui c'est trop bizarre. Oui, d'ailleurs, quelqu'un ouais. tape son code pas... pour retirer des sous. Ça arrive plus souvent que tu ne crois. Je crois que si tu touches pas au billet, ils repartent dans. Ils sont ravalés. Je crois. Oui, mais. Mais après, implique... tu vas pas guetter. Ouais, bien sûr. Ce sera arrêtons. Quelqu'un d'autre qui les aurait pris, de toute façon. Arrêtons. Donc, t'as bien fait. Mais en fait, j'avais plus, en fait, c'est... Non, mais c'est pas ça, c'est que j'avais poussé la personne qui venait de taper son code et j'ai pris les billets. Je l'ai maîtrisé. Je l'ai amené au sol en oui. utilisant mes compétences je de policière. Je l'ai frappé violemment avec ma matraque. faut et avouer. Là, j'ai pris les billets. À moitié pardonné pour moi. Non, mais ceci dit, voilà, de faire des ça fait. Est-ce que ça vous avez... on va pas vous féliciter pour les bonnes actions que vous avez faites, mais est-ce que si, vous, si. Adrien, toi, t'as souvenir besoin. D'un moment d'une bonne action des que t'avais actions, faite. Non. Mais moi, je trouve que les mini bonnes actions du quotidien, ouais. elles sont aussi importantes que les trucs comme ça où tu vois, il peut y avoir un dilemme. Enfin, je me rends compte par exemple quand je suis à scooter ou en voiture à Paris. Juste, tu t'arrêtes au passage piéton pour laisser passer les gens, c'est déjà... le plus beau jour de leur vie, quoi. Les gens, ils te regardent, genre, ah, merci, ce genre de truc, ou aider quelqu'un qui a une poussette à monter les escaliers et tout. Ça, c'est fou. Ça, j'ai des... Oui, ça, c'est vrai. Moi, j'aide tout le temps quand il y a des gens avec des poussettes. Et surtout, et parce que maintenant, pour t'es les... de l'autre bon, côté. Maintenant, je connais. Non, mais même, non, franchement, mais là, pour le coup, ouais. bien avant. Ouais, et, ouais. et franchement, c'est vrai que tu sens que tu sauves la vie un peu des gens, quoi. Pour ouais, des ouais. tout petits trucs, vraiment. Mais j'ai une question pour vous. J'ai une bonne question pour vous. Waouh, waouh. Est-ce que si, par exemple, moi, ma mère, elle m'a appris à dire bon courage à des gens quand tu vas. On a déjà eu cette discussion. Dans le podcast? Je crois. Ouais, mais c'est pas grave. Avec d'autres invités. Moi, je dis bon courage aux gens, par exemple, quand je vais à on me rend un service, ouais. je sais pas, je vais au supermarché, elle me passe mes courses, je paye. Fait, bonne journée monsieur, je fais merci, bon courage. À la caissière, à la par caissière exemple. En partant. Et il y a deux teams un peu, il y a ceux qui disent moi, bon courage et qui trouvent team, ça politesse, et ceux qui disent bah tu sous-entends un peu qu'elle a un métier oui, difficile sûr, et oui. peut-être que de merde. Tu dis pas ça à ton médecin quoi, c'est pour ça tu vois. Et tu dis peut-être pas ça à ton médecin. Donc est-ce que vous êtes team bon courage? Est-ce que pour vous quand on dit bon courage ça sous-entend un petit jugement de valeur? Alors que évidemment comme moi quand je le dis pas du tout, mais je sais pas, c'est un truc un peu naturel. Ben moi, je sais que mon ex qui a eu un métier comme ça, un peu genre un peu alimentaire et tout, elle me disait que elle aimait pas trop quand les gens disaient bon courage parce que pour cette raison. Mais après, je pense que ça c'est vraiment des gens, débats, c'est vraiment tellement une question de sensibilité que c'est bah ça dépend mais de la personne. On me l'a quoi, déjà donc, dit. Genre je sors de ma voiture, j'ai pris un Uber ou quoi, et je dis que je vais au travail et la personne me dit du coup bah bon courage. Ouais. Bah, franchement, je m'éclate donc ça marche pas trop. J'ai un métier génial. Mais tu vois, dire bon courage aux gens, tu pourrais faire ça ou toi? Ça m'arrive de le dire quand justement bah pareil encore un chauffeur ou quoi me dit bah j'en ai encore pour 3 heures oui, il voilà. est déjà ouais, exact exactement. 2 heures du mat je fais bon courage ça aussi parce qu'il fait. S'est un peu plein avant exactement j'allais dire s'il y a aucune information qui te dit que la personne est dans une situation qui est un peu relou dire bon courage c'est un peu ça un jugement de... un ouais ça sous-entend mais comme dit Nat effectivement le chauffeur Uber c'est qui aussi, dit ouais, bon ouais. bah c'est là j'en ai encore pour 4 heures et tout moi aussi je balance un bon courage ou si la caissière elle te en bipant elle te fait ouh là là cette journée j'en peux plus c'est interminable Ouais, ouais, j'aimerais non, tellement, j'aimerais tellement qu'on me souhaite bon courage. Ouais, ouais. Si elle dit ça, par mais exemple. Si elle non, mais c'est vrai. Dit, parce que ça devient oui, ouais. une réponse à un truc qui a été manifesté. Quoi. Donc, pas, moi, arrêtes. Je trouve mais... que tu peux aussi. Non, t'as tort. Tu arrêtes. Non, j'ai sûrement tort. Mais je trouve que ça dit aussi, j'ai conscience que c'est, un, voilà, que c'est des tafs qui peuvent être relous aussi. Tu vois. Oui, oui, mais. Ouais, ouais, non, mais il y a peut-être un jugement, je sais pas. Moi, en tout cas, je sais que j'ai été caissier, par exemple. Et quand on m'a dit bon courage, il y a un peu un truc de ah bah merci, je suis pas juste un gars qui passe des trucs. Mais après, ça m'humanise un peu, quoi. Oui, tu vois. Mais il y a aussi un truc, t'étais genre un tout jeune qui faisait ça pendant quelques temps, tu vois. Ouais. Quand c'est peut-être quelqu'un dont c'est le taf depuis 10 ans ouais. et qui va sans doute peut-être pas changer de sitôt, ouais. c'est peut-être différent, tu vois. Tu te dis oui, bon, ah non, maintenant moi je dis plus au revoir de toute façon. Ouais, enfin, je parle plus, tu ne parles plus, tu commandes sur Amazon. Je mets mon casque, il n'y a pas de musique, mais je mets quand même mon casque pour pas qu'on me parle. Mon casque sans personne, il n'y a pas d'humain, personne. On gagne à ton fou. Mais moi, une fois, j'ai donné à un SDF et je lui ai dit, bah voilà, bonne journée et tout. Et lui, il m'a dit, bon courage. J'ai dit, bah dis donc, comment ça, bon courage? Genre, j'ai l'air si mal que ça, quoi. Moi, une fois, ça m'est arrivé, on est sur les anecdotes d'SDF, souvent les plus sympas à changer. J'étais au McDo. Et j'étais étudiant, et quand tu donnais un euro en plus, ils te filaient un burger. Okay. Et donc, bon, c'est pas pour me. Mais du coup, je prenais souvent un burger en plus pour le filer à un clodo qui sortait, machin. Et une fois, je sors, je donne un burger à un SDF. Il dit, ouais, merci. Il le croque, fait, oh non, il me l'a rendu. Et j'avais un truc de, oh bah, je vais pas en faire grand chose, du coup, je vais pas croquer dedans derrière. Je vais peut-être croquer de l'autre côté, peut-être. C'est ça. Mais ça m'a fait rire l'honnêteté de, oh non, pas non. Bon, oula. Non, attendez, ils ont remis le McChicken? Oh non, dégueulasse, une merde. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi de sortir je rentre de faire les courses, il y a un SDF devant et je ressors en prévoyant un petit truc à manger, un truc à boire, et ça m'est déjà arrivé en bas de chez moi qui refuse. Ouais, mais des fois, ouais, ils ont des. Ouais, mais c'est peut-être ça. Qu'ils en ont trop vu qu'il est en bas d'un supermarché. Et c'est pour ça qu'il faut c'est demander, ouais. C'est bien demander, avant, demander ce qu'ils veulent. Tu demandes avant. Et moi, une caissière, j'ai failli m'embrouiller avec une caissière. Je suis dans la rue. Je lui ai donné de la nourriture, elle a dit, mais enfin, je travaille, vous en avez la preuve à l'instant. Je croise un SDF dans la rue qui me demande si je peux lui acheter une fiole d'alcool. Je sais plus comment ça s'appelle. Un flash. Flash, voilà. Mmh. Et je fais oui, pas de souci, tu vois. Donc je lui prends, et la caissière, donc le gars est à ma gauche, hein, elle dit, et elle passe le truc. Donc j'ai un peu un truc de. Enfin, je fais. Quoi, un peu tu te mets jeu, ouais, c'est ça. Et après. Elle dit, bah c'est mon mari, donc. Et en gros, il y avait mes courses en plus. Donc je donne le truc au gars et je dis bah c'est bon monsieur, vous pouvez y aller, enfin tu vois, restez pas à côté de moi. Non, c'est pas ça que je dis. Là je dis voilà, il me remercie, il se barre et la meuf me dit vous lui rendez pas service. Ça c'est encore le c'est un autre débat, encore comme le bon courage. Ah ouais. Les gens qui disent ah bah moi je leur donne pas parce qu'ils achètent de l'alcool, oui, et tout. Oui, bah laisse-leur mieux leur acheter de la bouffe parce que sinon ils vont avec l'argent ils vont s'acheter de l'alcool. Et il y a des gens qui laissent que ça en fait, oui, c'est ça, quand tu as que ça, tu fais un peu ce que tu veux. La rigolade et l'amusement à la bourse, quelle crypto vaut aujourd'hui 0,000000 1824 euros. J'adore déjà. Ouais, voilà. Bah, je vais balancer l'e-gold. Ah, c'est quoi l'e-gold? Ah, bah, c'est une crypto. Ah, mais c'est laquelle? Je connais rien, moi. C'est la plus connue? Non. Mais t'en avais quelques-uns. J'en avais quelques-uns. Ah, mais hier, c'est l'ancien de la crypto. J'ai entendu dire hier soir c'était un casse-gueule. Alors. Oh non. Ah bah la crypto. C'est pour ça que je la balance. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, non. Rien à voir avec les singes infâmes que. Comme tu avais dit, Vicky. Ça, c'est les NFT. Ça, c'est un NFT. C'est rien à voir. C'est juste pour chier sur la NFT. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas un femme à cet avatar. Qui a acheté un avatar de singe. Bien sûr. Atroce. Un des plus laids qui existe. Mais ils sont tous très laids. Tous très laids. Oui, oui, non, je parle de en termes de NFT. Oui, oui. C'est un des NFT les plus. Parce ah, que oui, oui, souvent oui, ils sont moches. Oui, oui. C'est un motif de skateboard de supermarché. C'est ça. C'est ce qu'on avait dit. Une pochette de chaque album. Complètement. La pochette d'un album de chaque album. Ah oui, oui. Mais souvent les NFT. Omar Sy, il avait aussi acheté une NFT. C'était un autre truc artistique. C'était très moche aussi. J'en ai jamais vu des biens. Ah ouais. Pour être tout à fait honnête. Est-ce que c'est un nom rigolo? Voilà. Alors le nom est un peu marrant et surtout le concept est assez marrant et le fait que ça se casse la gueule est encore plus marrant. C'est un truc qui était pour protester contre les cryptos à la base? Non, pas du tout. Ne le prends pas. Alors attends, donc c'est pas qu'elle est vraiment connue, c'est juste que le nom est marrant et alors, il y a un concept derrière. Elle a été connue. Ça a été porté par une célébrité, genre? Non, pas une célébrité, mais elle a été connue parce qu'à un moment elle résonnait avec l'actualité. Bah, c'est pas encore un coup de Logan Paul, ça? Non, Logan Paul est absent de toutes les réponses. Mais il a une histoire avec le coin des NFT ou de la crypto. Oui, j'allais dire, c'est un rapport avec le Covid. Je savais pas qu'il avait lancé. Ah oui, récemment même, je crois. Oui, il y a un youtubeur qui a expliqué que c'était encore une arnaque. Oui, alors Alors non, ce n'est pas Logan Paul. C'est encore pas le, c'est pas Logan. Ce n'est pas le Covid. Covid. Coin, j'ai dit, okay. Mais, chercher un truc. Mais on s'approche. Ah. Le. Attention, le même. Le même de Denis Brognard, le fou. Ah, le fou. Denis Brognard, t'as pas suivi? Non. Récemment, il y a Denis Brognard. Oh, il s'est retrouvé dans une sauce. Parce qu'il y a des collaboratrices qui ont dit qu'il hurlait tout le temps sur les gens. Quoi. Il dit ah, odieux. Ouais, mais... ah, il était odieux. Ah, ouais, qui était... Mais il faisait le même, mais énervé. Ah, ah ça plutôt. Donc, là, ouais, ah oui, donc, ouais, d'accord. Pas sympa, le Denis. Donc, pas donc, fou, mais juste méchant. Quoi. Oui, oui, oui. Un cible. Un dingo. Odieux. Un sombre couture. Pas sympa. Qu'il rende son flambeau. Oh, pile dans la crue. Je connais pas trop le. J'ai jamais regardé une seule fois de ma vie, Koh-Lanta. T'as jamais regardé Koh-Lanta? Non. Non. C'est un truc qui pourrait t'amuser de le faire ou pas du tout? Non. Non, un truc non, de. Non. Pourtant, t'es un peu survivaliste, ça pourrait être. Ouais, c'est mais vrai. Pas avec d'autres gens. Oui. Mais c'est souvent le pire dans Koh-Lanta. C'est de vivre ensemble. Moi, c'est pour ça que je regarde pas. Ça m'énerve. Je suis pas du tout. Enfin, tu vois, c'est genre, je dors dans mon camtar une nuit. C'est pas. Pas Koh-Lanta, quoi. Vous pourriez faire, les filles, vous, Koh-Lanta? Ah non, absolument pas. Non. L'hygiène, les insectes. Et puis l'ambiance hein, qui animaux. Se dégrade oui. au fil des souvent, jours. C'est horrible. C'est pas possible. Souvent, moi, ce que j'aime pas dans Koh-Lanta, c'est qu'ils se gueulent dessus parce qu'ils font, t'es trop stratège. Et tu dis, alors, oui, mais c'est le concept du jeu. Mais en même temps, je comprends que ça te rende fou parce que des fois, tu es l'avant de la farce. Simplement. Pour avoir discuté avec Clémence Castel, grande gagnante de Koh-Lanta. Évidemment. Ah oui, c'est vrai que vous avez fait les traîtres avec elle. Je déteste. J'allais pas prononcer le nom, Nathalie. Je le prononcerai donc moi dans Koh-Lanta, c'est pas possible. Non, je ne comptais pas dire le nom. J'ai juste. Non, mais ça rend fou. C'est des jeux en fait où tu penses stratégie du matin au soir et on te pose des questions. Alors, qui pensez-vous qui sont les traîtres? Et tu parles que de ça tous les jours. Ouais, c'est... Et ouais, c'est fou. Et on te fait les interviews à 3h du matin et tu dois du coup. En vrai, c'est génial à regarder, mais c'est pas pour moi du tout. J'ai adoré. Mélo a adoré. T'étais aux portes de la finale, quatrième. Elle était brillante. Putain. Mais bon, Nathalie, je ne voulais plus prononcer ce nom devant toi. Tu l'as dit. Mais je voulais juste dire que durant le jeu dont on ne prononcera plus le nom de Nathalie, j'ai parlé un peu avec Clémence, grande gagnante de Koh-Lanta, qui m'a dit que le fait de ne pas manger prenait une place qu'on n'imagine pas quand on est de l'autre côté de l'écran. Ah oui. Et que le manque de bouffe rend totalement fou et que ça provoque des situations. En fait, quand tu regardes l'émission, tu comprends qu'ils n'ont pas à manger et tu dis, oh, les pauvres, ils n'ont pas à manger. Mais en fait, elle me dit, dans la réalité, c'est le nerf de la guerre. C'est, tout tourne autour de ça et que c'est le plus difficile. Plus les épreuves physiques, souvent, c'est ça. Tu dis, mais là, vous devez prendre une bouée, que vous devez machin. Et donc, déjà, c'est dur. Mais quand tu dis, tu n'as pas mangé depuis une semaine. Et surtout que dans les épreuves physiques, ce qui est le plus dur, c'est l'installation et le fait de filmer l'épreuve, apparemment. Ouais. Parce qu'en fait, ils te font faire 1000 allers-retours, ils te font faire 100 fois. L'arrivée en plein soleil en drone, ils te la font faire 4 fois. En fait, tu commences le jeu, t'es déjà mort. Ouais, t'es déjà c'est mort. C'est 40 jours, Koh-Lanta, en plus. C'est long de ouf, en fait. Mais c'est moi, j'adorerais le faire, mais alors, je sais pas si j'en serais capable, parce qu'effectivement, les petits moustiques, l'intimité, l'hygiène, le connard avec qui tu passes 40 jours, grand connard. Déjà, des vacances, 40 jours. Et les tricheurs, les mangeurs-tricheurs. Non, moi, je le ferais que s'il y a Nathalie, comme le jeu dont on ne peut plus prononcer le nom. C'est terrible. Alors moi je pourrais surtout pas. Surtout. Moi déjà des vacances où c'est pas dans un hôtel, ça m'en fout. Koh-Lanta, j'ose même pas. Mal dormir au sol. Oh là là, un matelas gonflable. Oh, plutôt crevé. Non, Koh-Lanta, jamais de la vie. Mais ça m'amuse pas à regarder non plus. Moi je regarde. Tu regardes Koh-Lanta? Ouais, c'est ça. Ça, je m'en régale. Clara, ma meuf elle attend aussi Koh-Lanta. Elle est vraiment genre putain, enfin ça reprend et tout. Elle voulait faire. Dans 15 jours. C'était curieux. Vous deviez faire Pékin Express ou à un moment potentiellement? Ah oui. C'était question de faire mais ça. Mais malheureusement, c'était juste pour un épisode guest. T'avais proposé, toi, Nathalie. Ouais, mais je pourrais le faire pour ta meuf. Ah oui, parce qu'elle, elle rêve de faire Pékin Express. Clara, elle c'était avec son frère, c'était inscrite à des trucs. Je reviens à ma petite crypto, bien sûr. Oui, alors donc, assez parlé des traîtres. C'est lié à l'actualité, tu dis. Non, donc c'est lié à un truc horrible, parce que l'actualité, c'est que des trucs affreux. Oui, politique. Non, bah alors, encore une fois, tu parlais. La Trump coin. Non, mais il faut que ce soit drôle. Ça, c'était très drôle. T'en avais parlé en story. T'avais vu les NFT de Trump. Ça, c'était incroyable. Où il est déguisé en faisant des dessins. En cow-boy et en astronaute, vraiment. Super héros. Les fantasmes d'un gosse, d'un enfant. Quoi. Un truc où il est en bas avec des gants de boxe et tout. Enfin, vraiment. Toujours un skateboard de Leclerc. Je l'adore, Trump. C'est des photomontages de lui, quoi. Terrible. Il est comme ça et oh là là, bah, il nous manque. Il nous manque. Non. On savait se marier. Bien sûr que non. C'est un peu c'est. Pardon. Bah lui, il a refusé de retourner sur Twitter, je crois. Il y a un truc comme ça. Parce que Elon Musk, donc un Oh, lui, on l'aime pas, attention. Allez, un drôle d'oiseau, si vous voyez ce que je veux dire. Twitter. Oh, d'ailleurs, bon, enfin, bref, parce que vous avez vu, je sais pas si vous avez vu, là, il y a la version payante de Twitter qui va être lancée là. Oui. Ah. Et tu genre, choisis la couleur de ta certif, c'est ouais, ça ouais, ouais, mais il y a plein. En fait, c'est que des avantages. Genre, un des avantages, donc tu payes et c'est assez cher hein, quand 9 même. C'est, ouais, euros. 9 ou 10 balles. Plus cher que Netflix. Et un des avantages, c'est tu as 50% moins de pubs sur Twitter. Même pas zéro. T'as de la pub, mais genre juste moitié moins que les autres. Et en fait, tous les avantages sont. Et 10 caractères en plus. Alors, non, pour le coup, maintenant, ça va être genre 5000 caractères Twitter. Mais si t'as le truc. Alors écoutez, un blog. Tout simplement. Mais un blog. Vous me tendez une perche. Ah ouais ? Quid ? De ces petits statuts Instagram là. Vous avez vu ce nouveau truc? Bon, ça y est, c'est fini ça? Oui. Ah non, je crois. Moi, je vois des gens l'utiliser encore. Alors, ouais. Moi, je les adore. Ah, tu les adores. Maintenant, promo, et je l'ai dit en story récemment, en fait, remettez-nous l'équivalent des statuts Facebook. Parce que le problème, c'est que les statuts, quand les gens te répondent, ça envoie des DM privés. Mettez les trucs publics. Oui. Qu'on voit les réactions de tout le monde sous la petite. C'est que les gens que tu follow qui peuvent le voir, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Ah, tu l'apprends. Ah, oui, oui. Oui, oui. C'est soit en fait tu choisis les gens que tu follow ou alors juste les amis proches. Oh, écoute, c'est pas nul. Tout le monde qui les voit donc c'est pas. Bah, c'est après, nul. Cela dit, mais moi, j'aime bien. Nous oui, non, parce qu'on on a un Instagram, comment dirais-je. Quoi? Non, mais nous, c'est très ouvert aux gens, c'est très, comment dirais-je, public. Il y a beaucoup, on a beaucoup de followers, disons. Mais il y a plein de gens qui utilisent Instagram où c'est juste leurs amis, donc en soi, où ils se follow tous entre eux. C'est l'impression que tu me contredis sur un truc que j'ai pas dit. Non, non, non, non, parce que je précise sur le côté, c'est un peu nul, c'est que les gens. Coup, on fait... suit nous, mais la plupart des gens ils oui. suivent des gens qui les après, suivent. Après, moi j'aime bien, même justement, au contraire du fait d'avoir plein de gens qui me suivent, justement d'avoir des trucs où ça peut être ah, que les fou. Gens. Moi j'aime bien avoir un peu. Mais c'est mais ça, parce moi, que de toute façon, m'arrive... sinon tu fais ton post, c'est là où t'as tous les commentaires, ou en story, c'est là où, oui. où tous les gens répondent. Mais là, c'est que entre. Ça fait un truc un peu fermé de gens oui. qui se follow back. Sur les réseaux, par exemple, une ouais. chanson connue que je vous cite. Comment? Niska. Oui. Pouloulou. Pouloulou. Voilà. Non, après, en fait, si donc il veux... y a que les gens que je suis et qui me suivent oui, qui veulent me statuer. Et donc, moi, personne ne me répond. Donc, mes amis se branlent totalement de ce que oui. je raconte. Est-ce que vous êtes oui, et vous trois, trois concernés ah, oui, bah, oui, vous n'avez jamais plus répondu. Plus que les autres, nous trois. À l'une de mes notes. Vous vous en tapez. Mais bah, oui, je ne les lis pas déjà. Enfin, en vrai, moi, je ne les lis pas. Oui, qu'est-ce que tu veux. Ouais, bon. Une franchise à ma droite. Ton statut, c'était plus de story ou moins? Mais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, Mélo. Je découvre. Comme les SDF avec l'alcool. Oui, fais ce que tu veux. Bah, c'est de la merde. Bah non, bilan, bah, elle a changé d'avis. Bah, si tu veux faire un message, tu fais une story ou t'écris un texte, et puis voilà. Non, moi j'ai, le tour est joué. Moi j'ai découvert très tard que tu pouvais partager des musiques. Parce que moi, à chaque fois, je la glisse sur le côté pour pas qu'on voit le truc, mais tu peux juste dire ne pas montrer l'image de la chanson. Ah bon? Oui. Oh, mais tu vois les paroles du coup? Ah non, rien. Tu peux rien voir. Tu peux rien mettre uniquement la musique. Oui. Moi je savais quoi pas, à chaque fois je l'essayais de le cacher. Ah, mais je vous en apprends des sacrés à vous là, les influenceurs. C'est nouveau. Combien de followers? Je vais débunker. Quelques-uns. Non mais dis-moi, le vrai chiffre, t'as combien de followers? J'avais 4 millions l'été dernier, c'est redescendu à 3,9. C'est terrible. C'est honteux parce que j'avais fait des concours pour fêter ça. Après, des fois, c'est juste les faux comptes qui sont supprimés. Hein. C'est bien pas sûr. Que les gens qui ont un follow. Mais tout ça pour dire que je donne des conseils à des gens qui ont 4 millions de followers. Je connais mieux Insta que. Bravo. C'est bah, fou, bravo. Là, ouais. Je mets ça. Ah ouais. Et, ah ouais, uniquement. Ah oui, c'est nouveau, je confirme. C'est assez récent, pas ouais. ça avant. C'est nouveau. Ah, ça va me faire gagner une précieuse seconde. Mais pour revenir à ma petite crypto. Ah oui, oui, la crypto. Ah bah oui. La crypto. Alors, mais alors c'est drôle. Sachez que, regardez, elle est remontée très fort, justement parce qu'elle est redevenue oh. dans l'actu récemment. Ah. Mais, qu'est-ce mais, qu'il y a eu dans l'actu récemment? Bah justement, on en a parlé, parce qu'elle a fait un peu l'actu. Après, elle vaut toujours le chiffre que je vous ai donné. Ça, c'est le dernier chiffre en date. Elle valait encore moins ah. il y a quelques jours. Mais c'est une actu mondiale. Ah oui, plutôt mondiale. La guerre? Non, non, non, non c'est lié au Covid. Ah, c'est lié au Covid. Mais un pangolin. Non. Masque. Les, non. Pas de masque. Le vaccin. Alors, le on s'approche. Vaccin coin. Pas le vaccin coin. Pfizer. Alors, c'est pas par rapport au vaccin, pas du tout. Ah. C'est par rapport plutôt à l'inverse. Les contaminations. Non. Des gens qui sont pas fans des vaccins. Ah, les antivax. Les antivax. Ah, c'est une coin. C'est une coin d'antivax, mais assez précise. Oula. Ouais, alors je pense que. Ah, bah si, si. Pensez au Floodcast. On est au Floodcast. Ah, les antivax qui boivent leur pisse, du coup. Alors, on s'approche. C'est lié autour de la teub. Antivax. Waouh, attends. C'est. Attends. Autour de la teub. Je sais pas où tu veux nous amener. Ah, bah je suis assez clair. C'est des teubs et antivax. Oula. Mais tub, antivax, Je vais vous donner la réponse. Des gens qui disent qu'il y a du Covid dans le sperme, non, j'en sais rien. Non, justement, c'est qu'il faut boire du sperme pour. Les antivax, oh là là. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Désolé. Ils ont créé. Je cherche, pardon. Oh là là. Une seconde dans le cerveau d'Adrien. Oh là là, laissez-moi sortir. La monnaie s'appelle le Unvax Sperme. Ok. Quoi? Bon, bah pardon. C'était un peu compliqué, tu peux l'admettre. 20minutes.fr dit traduire sperme non vacciné. Convaincus que les vaccins du Covid rendent stériles, ils espèrent voir leur monnaie prendre de la valeur à mesure que les gamètes mâles et femelles de non vaccinés vont se rarifier. Parce qu'ils pensent que tous les gens qui sont pris des vaccins, ils vont avoir du sperme stérile. Et eux, vu qu'ils ne sont pas vaccinés, ils disaient nous, notre sperme, il sera. Enfin voilà, vous pourrez vous reproduire. Vous pourrez vous reproduire. Côté en bourse. Oh ouais, ouais, ouais. La pizza. Exactement. Et donc les gens ils se sont dit bah voilà du bon sperme de non vacciné, c'est ça qu'il nous faut pour une Bitcoin. Oh là là, bitcouille. Bitcoin. Ah oui. Ça ne s'arrête jamais. Bitcouille. Et donc voilà cette monnaie pas qui trop nous dans le, j'étais dans encore le sur les statues de story. Oh, ça lui scie les jambes là. Ça m'a brisé le cœur. Mais j'arrive pas à comprendre en quoi cette monnaie va mettre en contact avec des gens qui sont pas vaccinés et qui mettent leur sperme. Moi je comprends rien à la photo de base. Donc voilà. Mais en tout cas, sachez que ça ne marche pas. Elle a bidé cette crypto. À Tokyo, qu'est-ce que les propriétaires d'animaux pourront s'offrir entre 300 000 et 450 000 yens, donc 2100 ou 3200 dollars. Un robot de leur animal. Alors tu tapes. Oh, j'allais dire un clone. Je vais mettre un peu de chauffage. Je vous laisse. Ouais, je suis mort de froid. Oui, je vois que t'es comme ça. Froid. C'est bizarre parce que j'ai un sweat du Floatcast et il ne me tient pas très très chaud finalement. Oh, ce n'est pas de bonne qualité. On s'est fait clasher. D'ailleurs, j'ai aucun commentaire. Regardez, je fais la faillotte. Mais si, en arrivant. Dit en arrivant, t'as pas relevé. En arrivant. Oui, mais dans le micro. Ah bah. Faut le dire dans le micro. Oh, bravo. Nathalie. Allez, faites-moi des compliments. Oh là là, tu es rayonnante. Rayonnante avec ce sweat. Merci. Encore plus avec ce sweat. Qui est à nous à la base. Alors que déjà, de base. Oh là là, un vrai soleil que c'est. C'est bon, stop. Voilà, okay. Très rayonnante. Donc, robot, tu disais. Ouais, ce n'est pas un hologramme. J'avais dit un clone, mais. Pas un clone. Une IA. Vrai, oh le bon pépère. Il est cloné. Mais ça n'existe pas, vous êtes fous. Non. Et Dolly, ça te dit quelque chose? Je sais que tu peux transformer les cendres d'un corps en diamant, en bijoux. Ah oui, et en plug anal aussi, j'avais vu. Non, mais c'est Floatcast, c'est pas moi qui cherchais. C'est pas moi qui cherchais. Adrien encule son chien, c'est ça? Pas du tout. Et du coup, il se fait enculer par son chien. Quoi, Adrien? C'est bon là. Personne n'a dit ça. Les gens l'ont pensé. T'inquiète pas, j'ai l'expérience. T'inquiète donc pas. C'est quelque chose qui permet de, après sa mort, de perpétuer quelque chose. Alors, il n'y a pas forcément besoin d'être mort pour faire ça. C'est un déguisement de son animal. Alors, c'est plus ou moins la bonne réponse. C'est un masque. C'est des masques hyper réalistes. Je vous montre une petite photo qui est pas trop angoissante. Ok, j'avais vu ce truc. Mais cela dit, si c'était moins cher, évidemment que j'en achèterais un. Bien sûr. Combien tu dis en euros? 3000 entre 2000 et 3000 euros. Ah, je crois que c'est 300 000. Non, c'est les yens. C'est bon. J'ai une tête de petite sponsor Floatcast et je me l'achète. Alors attendez, masque réaliste. Moins que ça quand même. Il a pas précisé. Donc oui, pardon, c'est une entreprise. Le studio fabrique d'abord d'ailleurs, une sculpture. Sponsors, d'ailleurs, ce serait bien. Acast, oui, c'est pas longtemps qu'on a pas été sponsor. Bah, s'ils nous écoutent, avec plaisir. Le studio fabrique d'abord une sculpture en terre qui sert de support pour créer un moule dans lequel on vient couler une matière semi-rigide. Ensuite, c'est un gros travail d'artiste qui commence puisque le masque doit être couvert de poils qui ont la même couleur que l'animal. Puis il faut ajouter les yeux et peaufiner les détails comme les moustaches ou les oreilles. Ouais, 3000 balles, franchement, je pense que ça va. C'est pas si. Franchement, c'est prix. Pas si cher. Non, je dis pas que j'achèterais, mais ça, vu le travail que ça doit représenter. Mais ton animal, il bade juste. Mais il se mange. Qui prend du plaisir. C'est quand même un peu étrange. Voilà, si vous regardez sur Internet. Oui, là, j'imagine la tête de Francky à la place, et oui, évidemment que Mais c'est pas si bien fait, moi, je trouve, quand même. Bah, c'est ça fait cher la story. Son charme. Ça fait cher le post Insta. Un peu rigolo. Ouais. Mais je trouve ça quand même un poil angoissant, moi, de mon côté. Un poil oui. C'est Daft Punk ou quoi? Arrête tes conneries, toi. Le clip. Bah, je connais Get Le. Ah oui, non, d'accord. Non, oui. Je l'avais même pas. Une femme est accusée d'avoir tué quelqu'un. Quel est son mobile? Un Sony Ericsson. Oh, j'ai dit On s'est chiqué de joie. Le Nokia. Le Nokia. Le Nokia. Ça la régale, vous la voyez. Mais oui, elle a rempli de joie. Elle est très bien, elle est très bien. C'est un vase et c'est de la joie qu'on lui offre. Elle se remplit de ça. Remplissez-moi. Donc, de quoi est accusé? Non, pardon. De quoi est accusé cette personne? Non, attends. Non, son mobile tuée, ou... donc, oui, oui, elle est accusée, donc c'est quoi son... De quoi elle est accusée? Ah, c'est d'avoir tué quelqu'un. Oui, est-ce mais pourquoi que elle a fait ça? Trouver la personne va nous aider? La personne ah, qu'elle oui, a tuée. C'est complètement c'est quelqu'un ça. De sa famille? Pas du tout. Son mari? Non. Un son élève? Patron? Non. Pas son patron. Un hater d'internet? Non. Son facteur, bien sûr. Mon rêve de tuer. Tu es quelqu'un qui m'envoie un mauvais DM. L'assassiner. Non, je plaisante. Alors attends, on cherche la personne sur Florent, ton lien avec la personne qu'elle a tuée. C'est pour faire rire le gosse, tu vois, qui vient qu'il est tendu. Les blagues de violence, moi j'adore ça. J'adore ça, évidemment. Je ferai pas de malade mouche. Récemment, parce que je sais pas si vous savez, mais Jack Mimoune est disponible en VOD. Ah oh, bah il y a des gens que je connais. Dans le secret de Valverde. Dans les secrets de Valverde. Et il y a des gens que je connais qui l'ont vu et que je suis sur Letterboxd. Et qui mettent pas des notes si cool. Oh et, j'ai un peu, et j'ai un peu un truc de. Bon, ne le notez pas sur le. Oui, mais après, en même temps, c'est des gens. Tu peux te fier à leur opinion. Ils ont complètement zappé que je les suivais. Ah, je pense tout simplement. C'est Pierre Lapin, malheureusement. C'est terrible. Non, Pierre, il a mis une passe si mauvaise. Puis surtout, ouais. J'ai mis, Pierre, vu ses goûts cinématographiques, je l'embrasse hein, s'il nous regarde. Oui. S'il nous écoute. Oui, il a menti. Il a gonflé la note. Ouais, déjà, d'une. Et vu qu'il déteste des films que j'adore, je ne comprends rien à ses goûts. Donc tout va bien. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu t'étais abonné à mon Letterboxd aujourd'hui. Mais oui, parce qu'en fait, je croyais, Nathalie. T'as dit que tu ne le remplissais pas ton letterbox. Alors que ah, si, en fait, tu le remplis, mais c'est juste que tu n'utilises pas la fonction diary. Et quand on est allé au festival de l'Alpe d'Huez, on s'est régalé de différents films, je les ai tous notés. Tu les as notés, ah, oui. Mais oui, tu mets des notes, toi. Moi, j'aime pas mettre des notes aux films. Moi, je mets un like ou pas de like. Ah oui. Mettre des notes, je trouve que ça ramène une œuvre d'art à un truc d'école et non, j'aime mais pas trop. Et puis en vrai, moi je trouve que depuis que j'écris des trucs, j'ai beaucoup d'empathie. Enfin, j'ai du mal avec la critique. Bon, déjà sur moi, mais sur les autres aussi. C'est non pas que, évidemment, les gens ont le droit de détester ce que je fais, il n'y a aucun problème. Mais j'ai toujours un peu d'empathie. Et du coup, j'en ai déjà parlé dans le podcast, je deviens très chiant sur la façon qu'ont les gens de critiquer un film. Mais c'est même pas pour critiquer, c'est pour moi, pour que je puisse retrouver les trucs que je pourrais conseiller. Toi, Nathalie, je ne parlais pas je de toi. Je m'excuse, pardon. Non, je vais enlever toutes mes notes. Ton compte est privé du coup. Oui, non. En plus, faut trouver. Sens... Oui. Mais ce que je veux dire, c'est parce que des fois, il y a des phrases toutes faites de critiques qui m'énervent. Par exemple, des gens, ils disent tel acteur, tu sens qu'il a pris son chèque, et il y a un truc de toi, t'en sais rien du tout. Tu peux dire, il ne joue pas bien. Ça, c'est une critique qui revient régulièrement. Ah, ouais, c'est des petites phrases. Il vient cachetonner, machin. Ou dire, c'est mal écrit. Tu dis, sauf qu'en fait, le problème, c'est qu'un film. Par exemple, on disait ça d'Avatar récemment. D'Avatar, en disant, le scénario est nul. Ok. Et en même temps, la personne disait. Mais on par pas contre, passer le temps. Tu vois pas passer les 3 heures. Tu fais si tu ne vois pas passer les 3 heures. C'est pas si nul. C'est que c'est bien écrit surtout. Parce qu'une structure de scénario, si c'est mal géré, clairement tu les sens passer les 3 heures. Si c'est une histoire que t'as vu 1000 fois, les 3 heures tu les sens un milliard de fois passer. Bon, bref. Bon, petit coup de gueule. Non, mais c'est comme ça. On t'a pas du tout aimé ce que je fais, c'est pas ce que je dis. C'est vraiment juste la façon de. Des fois j'aime bien. Attention. Donc, non. De quoi on parlait? Oui, cette femme qui c'est a assassiné femme, quelqu'un. Cette femme affreuse. Alors, cette femme. Alors, donc, un client. Pas un cambrioleur. Oh. Ah, non, c'est non, non. Elle a tué. Alors, pas quelqu'un de sa famille. Pas un amant. Un commerçant. Amoureux. Pas un commerçant. C'est une véritable histoire. Vous savez que nous, on est des frérots de Christophe Ondelat. Il pourrait en parler bien dans sûr. Son émission. Il faudra qu'on refasse un Ondelat. Mais c'est quelqu'un qui est venu chez elle pour un travail. Pas du tout. Elle avait vraiment un plan dans sa tête. C'est ce que j'allais dire. C'était prédéterminé. Enfin, c'était prémédité. Prémédité. Un amant, non. Et cette personne, elle ne la connaît pas. Oh. Un Twitchos. Mais c'était quand elle même prémédité. Elle l'a choisi au hasard. Pas au hasard du tout. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait quand même pas. Une influence sur sa vie, voilà, mais qu'elle voilà, connaissait un influenceur. Pas non, pas du tout. Non. Quelqu'un qui a une influence sur sa vie, un influenceur. Non, mais ça pourrait être, je sais pas, le facteur qui. Non, elle a dit le facteur tout à l'heure, ce n'est pas non, un facteur. C'était un exemple pour dire, elle peut avoir une influence sur sa vie, arrête mais sans qu'elle la connaisse. Facteur, Adrien, t'arrêtes pas de proposer le facteur. Dernière proposition, après j'arrête. Okay. Est-ce que c'est le facteur? Pas du tout. Mais je t'avais dit d'arrêter. Est-ce qu'elle aurait fait une obsesse sur une voisine que la voisine, du coup, ne s'en serait pas rendu compte? Non. Et non. Attends, quand tu dis qu'elle connaît pas, elle l'avait jamais vue? Alors, elle l'a cherché. Elle l'a trouvé, mais elle ne la connaît pas. Elle l'a cherché, non. Elle l'a trouvé, mais elle ne la connaît pas. Ouais. Elle avait quand même du coup conscience de son existence, enfin. Parce qu'elle l'a cherché. Alors donc, peut-être est-ce que c'est quelqu'un qui aurait remporté, qui aurait été mis en avant parce qu'elle aurait par exemple remporté le loto ou quelque chose non, dans ce genre. Pas ça. Est-ce que c'est genre l'ancienne locataire de là où elle habite non. Et c'était un peu sale, elle a dit je vais la tuer. Ouais. Non. Pas mal. C'est rien, non. Très tatillon sur le lien. Il y a forcément un lien entre ces deux personnes. Faut acheter un Bosch Caspire là, parce que vraiment, je la trouve un peu tatillon. Fresh Up. Caspire. Ah oui, d'accord. Pizza avant tout, Fresh Up. C'est vrai, moi, quand vous dites Fresh Up, je pense à la pizza. Est-ce que c'est un meurtre parce que de jalousie ou parce qu'il y avait un intérêt financier derrière? Pas d'intérêt financier. Mais il y a un lien entre ces deux personnes. Alors, il y a un lien. Forcément. Un lien, mais pas l'ex de quelqu'un. Ça va vous rendre fou. Donc, attends, est-ce que... Quand je vais vous le dire, vous allez... Ouais, écoutez, ouais. Je vais utiliser un terme qu'Adrien maîtrise très facilement. On va péter notre crâne. Vous allez péter votre crâne. Bien sûr. Il est déjà en train de se fendiller, donc... mais elle a un œuf. Est-ce que cette personne qui a été tuée, elle a fait quelque chose? La pauvre, elle n'a rien fait du tout. Gratos. Elle n'a rien mérité. Sa simple existence portait préjudice à la personne sur elle? Pas du tout. Mais elle voulait tuer quelqu'un de façon gratos? Pas du tout gratuite. Elle l'a cherché, elle l'a trouvé. Ouais, c'est vrai. Elle l'a cherché, cette personne, elle l'a trouvé. Quelqu'un qui avait le même nom qu'elle? Ce n'était pas une personne médiatique. Un sosie. Elle l'a lardé de coups de couteau. Alors, c'est un sosie. Pour simuler, elle! Mais c'est pas une influenceuse? J'ai déjà dit ça. Non, et on s'est moqué de moi, d'accord? On m'a traîné dans la tour. Non, celle qui l'a tué, c'est une influenceuse pour simuler sa mort. Alors, je crois que c'est une influenceuse et elle a tué un sosie pour simuler sa mort. Alors, l'histoire ne parle pas d'influenceuse, mais peut-être, mais l'histoire n'en parle après, pas. C'est peut-être, Le corps d'une femme de 23 ans, lardée de coups de couteau, est retrouvé dans un véhicule à Ingolstadt, en Bavière, sud-est de l'Allemagne. Au fil de leur enquête, les policiers d'Ingolstadt ont tiré les fils de ce qui pourrait être une imagination macabre mise au point par une dame germano-irakienne aidée par un complice, un Kosovar âgé lui aussi de 23 ans. La jeune femme aurait tué une autre lui ressemblant pour simuler sa propre mort. Les enquêteurs partent du principe que la suspecte voulait disparaître en raison de problèmes familiaux et donc simuler sa mort. Ils auraient ainsi décidé de rechercher en ligne une femme ressemblant à la germano-irakienne et de la tuer, de la placer de manière à ce que le corps soit pris pour celui de la suspecte, donc dans sa voiture. Sa propre voiture. Oh, wow. Et la jeune suspecte aurait ainsi pris contact. On l'a dit, on en parlait, c'est sûr. C'est sûr, avant le meurtre, avec plusieurs cibles potentielles, parce qu'ils ont parlé à d'autres meufs qui lui ressemblaient vaguement, via plusieurs comptes de réseaux sociaux pour les inciter à la rencontrer en leur faisant de fausses promesses. Elle a ainsi eu, selon la police, des contacts avec plusieurs jeunes femmes. Un rendez-vous est pris avec l'une d'elles, la future victime, pour le 16 août, selon un enquêteur cité par Le Quotidien. Elle ressemblait à s'y méprendre à la suspecte avec de longs cheveux bruns, un teint foncé et un visage très maquillé. La suspecte se serait alors rendue avec son complice présumé dans la région de Elbande pour aller chercher la future victime chez elle. Sur le chemin du retour, la victime a été attirée hors du véhicule, tuée en forêt. Mais ça n'a pas fonctionné. Plombé l'ambiance. Ça n'a pas fonctionné. Enfin, elle est morte quand même. Elle est pas morte. Le meurtre a fonctionné. Si, elle est décédée. Elle est morte. Mais le faker ta propre mort, machin et tout, les personnes sont évidemment en prison. Je ne croyais plus qu'elle s'en tire les mains propres. Écoutez, ça m'a pété mon crâne. J'ai pas menti. Ah ouais. Je vois des morceaux de crâne de mélo au sol là. Parce qu'il a littéralement pété mon crâne. Là, le Fresh Up, il va pas rattraper ça. Toi, t'es un peu fan d'histoires d'enquête et trucs comme ça. D'histoires horribles et sordides, comme tu viens de raconter. J'adore ça, je me souviens. Mais c'est vrai qu'il y a longtemps, je m'étais acheté des livres avec les crimes les plus célèbres au monde. Et je le feuilletais comme ça avant de me coucher. Je m'en régalais. Comment tu expliques ça? Il y a un truc, toi, c'est qu'Adrien, il est beaucoup en blatte aussi. Non, mais il y a pas de jugement. Qu'est-ce que comme Jeffrey Dahmer, j'ai pas pu regarder là dernièrement. C'était beaucoup. Je peux pas. C'est vrai. Ça m'est passé. Moi, je regardais avec ma petite. Mais c'est la curiosité morbide d'avoir des frissons, de dire c'est vrai, ça s'est vraiment passé, je sais pas. Ouais. Mais, moi, bon, je pense qu'il y a il y a clairement une part de curiosité morbide, mais je trouve qu'il y a un côté. Je trouve ça excitant. Ah, cool. Non, pas du tout. Non, mais il y a un côté intéressant à voir. L'étendue de ce dont l'humain est capable, en fait, parce qu'on a parfois tendance à être c'est tout le temps même dans notre vie quotidienne où quelqu'un nous fait un truc et on dit putain j'aurais jamais cru qu'il il ferait pas ça machin etc, et en fait tu vois que les gens qui font les pires horreurs du monde leurs parents disent la même chose, disent non mais j'aurais jamais cru qu'il ferait ça etc, et donc tu te dis je sais pas, d'une certaine manière, ça t'arme un peu à te préparer à des trucs, genre à être un peu moins naïf en fait. Ouais. Oui, mais une fois que tu en as entendu un ou deux ou trois, pourquoi après, regarder c'est, après, c'est morbide. Toi, un immense fou. Je comprends. Je sais pas, d'explorer un peu ce dont l'être humain est capable, parce que c'est aussi bien peut-être d'explorer aussi l'autre partie du spectre bien quand sûr. Les gens font les trucs bien aussi. Petite bonne nouvelle. Mais je sais pas, je trouve ça intéressant de dire putain, je sais pas, de voir a... ça. De... Est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc. Alors... Peut-être on essaie de comprendre, j'en sais rien. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc. Alors je vais prendre d'énormes pincettes avec le mot cathartique. Je dis pas que les gens ont des envies de meurtre. Ah, moi je rêve de tuer. Par contre, j'ai oublié de préciser. Chaque minute, là, je me visualise en train de vous assassiner. Là, il se retient, mais il est capable de nous assassiner tous les trois. Non, mais tu sais, quelque chose. Un peu comme. Je t'étrangle. Parce que j'en parle. Alors j'en parlerai dans le Floodcast de la semaine prochaine. Je parlais des films. Moi, j'aime bien les films avec de la violence, par exemple. Il y a un truc assez, je sais pas, ça me. Il y a un truc de. Ça existe. C'est à la télé. Mmh. C'est loin de moi. Mais c'est fictionné. C'est fictionné, donc c'est pour ça que c'est moins bizarre. Pareil. Mais je pense quand même. Genre que t'as adoré Irréversible, par exemple. Non. Un grand kiff. Non. Je parlais de violence Kill Bill 1, par exemple. Ah oui. D'accord. Voilà, une espèce de violence un peu cartoon, un peu machin. Mais même des fois des films d'horreur. Moi, je sais que t'adores les films d'horreur aussi. Oui, j'aime bien. Il y a des choses, voilà. Et je trouve qu'il y a un côté, c'est loin de nous. Alors, c'est de la fiction. Je suis d'accord. Mais est-ce que c'est pas un peu lié, une espèce de truc de ah il se passe des choses loin de moi et ça me crée des espèces de frissons d'angoisse. Bah, et c'est de... un peu comme les films d'horreur en vrai. Ouais enfin, c'est ça. Mais je pense qu'il y a comme faire un manège. Sensation forte. Sensation où il y a un côté je suis en danger mais en même temps non parce faire que faire le roast de McFly et Carlito. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. Cela dit, moi je préfère plus les films d'angoisse où ce n'est pas montré. Ça me tend plus que du body horror où juste tu dis bon ouais. C'est du faux sang et puis ouais. Allez ça suffit. Oui mais il y a une grande mode en ce moment les films deviennent très violents. Moi j'ai vu Terrifier, j'ai aucun terrifiant. Terrifier. Ouh là là la peur, ça s'appelle le film. Non, disons les chocottes, je crois. C'est sur un clown qui tue des gens et en gros c'est les films les plus violents qui ont jamais été faits, genre vraiment ça va très très loin. Et j'ai vraiment un truc où effectivement je suis un peu comme toi, genre de oui bon bah oui, là ça n'a plus aucun sens. Vous êtes des bébés, vous êtes juste des bébés. Non fait. Mais c'est vraiment c'est graphique et c'est juste dégueulasse quoi, tu vois. Il y a vraiment un truc où tu dis bah là ça n'apporte absolument plus rien. Ouais non. Mais sur les films d'action, les trucs comme ça, je peux comprendre le côté un peu. Non, moi je me souviens avoir traumatisé Mélodie avec autour Tusk, de la table avec le film Tusk. Avec quoi de quoi je peux plus regarder. Peux faire... Quel est le pitch de ce film non, Mélodie alors, non, pour donner un peu de contexte. Ouais bien sûr. On devait faire une soirée film d'horreur chez moi. Ah c'était Halloween attention. C'était Halloween. Il y a quelques années. Ouais. Et on me dit, Florent, choisis le film d'horreur. Parce que vous savez, je suis un geek, j'adore le cinéma. Je sais pas ce que t'as voulu faire ton intéressant. Non, j'ai choisi plusieurs films. Et les témoins qui sont de la table, Mélodie et Nathalie, peuvent le dire, avec plusieurs degrés. Tout en à fait. Disant, ça c'est à la cool, ça c'est moyen, ça c'est très vénère. C'est comme les sauces piquantes un peu dans les restos mexicains. Je sais que toi t'as un peu ça aussi. T'invites des gens chez toi, t'as envie de. Tu dis, voilà, je vous mets bien. Moi j'invite personne chez moi. Non mais tu. Tu es capable toi aussi de faire des petits sous-dossiers de choses ah oui, quand sûr. Tu veux proposer. Tu dis, on organise bien les choses, on fait les choses. Exactement. Et à un moment, on a ivre d'Halloween, on me dit oh non, Florent, tu peux nous montrer un truc un peu bizarre, un peu chelou, un peu fou. Je propose le film Tusk de Kevin Smith, réalisateur que j'adore. Okay. Mélodie, est-ce que tu peux nous résumer l'histoire de Tusk? Bah, Tusk, c'est l'histoire d'un mec légèrement dérangé qui capture un être humain et qui, durant de longues semaines, voire de longs mois, parce que du coup, Dieu merci, je n'ai pas vu le film complet. Non, bah non. Quelques extraits, bon, déjà, j'y repense encore. Alors que ça fait 6 ou 7 ans. Et on en reparlait même le week-end dernier à Barcelone. J'en reparle très régulièrement. Clara, bien sûr. Et du coup, durant de longues semaines de captivité, le transforme progressivement. En morse. Parce qu'il a eu une histoire avec un morse, c'était un ancien marin, et donc du coup, d'abord il commence par lui couper une jambe et machin et machin. Il est crevé. Et il devient au fil il lui à mesure du film un morse. Qui est, qui est adapté d'une histoire vraie. D'accord. Qui est adapté d'un fait divers, qui a eu le droit. Ouais, qui a eu. Bah, pas ah à ce non, point. Mais pourquoi tu lui rajoutes tu viens ça de HM, mais c'est fou en Nathalie, fait. Alors, dire, c'est un traumatisme. C'est que depuis Nathalie, fait tout son possible. Tout pour son possible pour m'apaiser en me disant mais Mélo, tu sais, c'est souvent très loin de la réalité. Et là, tu viens de déclencher une nouvelle panique. Ah, je suis désolé. Mais en plus, c'est pas. À Paris et être en liberté à l'heure où on te follow sur Insta. Non, non, pas du tout, pas du tout. Non, non, et puis c'est une vieille histoire. C'est un truc. En Belgique. Qui date de quand? Non, mais des années allez, 70 en tout cas. Oublie ce qu'il vient de dire. Il y a vraiment un homme qui a été transformé en morse. Non. Mais non, mais non. C'était une blague. Un éléphant de mer dans la vraie histoire. Je me suis trompé, pardon. Il a acheté un morse. C'est le propriétaire de Marineland. Il parlait en morse. Il a envoyé SOS en morse. Moi, vous parlez des films d'horreur. Moi, je n'aime pas trop parce que ça me. Vous, Moi, ça me fait juste penser que potentiellement, ce sont des choses qui peuvent exister. Ouais. Genre, ces morts-là, ces façons de mourir-là peuvent exister. Donc, oui. on peut me tuer comme ça, ou on peut. Oui. Et en fait, donc moi, le true crime, c'est encore pire. Et c'est pour toi. Ça que je préfère des films. L'homme invisible. L'homme invisible récemment avec Nathalie. J'ai adoré. Ouais. J'ai adoré. Tu ne me vois ça rien. Pas le récent, celui. Oui, avec, avec la le... comédienne de Handmaid's Tale. Ah, c'est ça. Voilà. Mais ça fait un peu peur, ça, quand même. Oui, mais j'ai adoré parce que ça n'existe pas. Oui, c'est. Là, ça n'existe pas. Ah, je vois ce que tu veux dire. Mais on en a parlé tous les deux. Et du coup, les auteurs qui écrivent ça, j'ai envie. Qui disparaissent. Parce que purement et simplement. C'est de leur tête que ça sort. Et du coup, c'est, je me dis, mais qu'est-ce qui va pas chez vous? Qu'est-ce qui va pas chez vous? Je veux que ça a commencé à l'adolescence quand on a regardé Saw avec mes copines. Oui, Saw. Ouais. J'ai très mal prononcé. J'ai non, dit c'est un ça. Saut. Non. Un Saw, c'était avec une anse. Mais ça m'a traumatisé parce que je me rappelle m'être dit, mais le mec qui écrit ça, il faut l'enfermer. C'est pas possible. Comment tu peux avoir ces idées-là? Et on en a parlé tous les deux justement. Tu m'as dit, mais justement. Cathartique. Il y a un truc cathartique, il y a un truc un peu où justement tu le sors de toi. Après moi je suis exactement comme toi, j'ai mon vrai traumatisme de film d'horreur que j'ai eu quand j'étais jeune, c'est un film des années 4, je pense que le fait que le film soit vieux a rajouté une couche de chelou, c'était le film Maniac, qui est juste un mec qui tue. Maniac, ouais. Michael Sambello. Il y a de l'eau qui lui tombe dessus quand elle danse, ça m'a choqué. Ça s'en prend une douche, toi. Ouais, ça m'a mis très mal. Moi qui en ai pas pris depuis 20 ans. Non, mais donc c'est, ça s'appelle Maniac et c'est juste un gars qui tue des femmes et qui leur arrache des bouts de corps pour les mettre sur des mannequins de magasins. C'est le silence des agneaux, ça. Oui, enfin bon, bref. Les bouts de peau. C'est l'histoire vraie aussi, ça. Hélas. Bon bref, le mort, ça et, ça m'avait, et ça m'avait traumatisé ce truc-là. Alors que les trucs de zombies, de vampires, de tout ça, je m'en bats les couilles. Ouais, mais j'en ai un vrai souvenir. Et en plus, vu que c'est les années 80, il y a des notes de synthé. Tu sais, les ambiances de ces films-là, elles étaient vraiment glauques à l'époque. Critique pas les synthés, s'il te plaît. Non, mais tu sais, ça rajoute une ambiance, quoi. Donc je suis dans ta team en vrai, avec les mélodies, ça que je veux dire. Je touche pas du tout les films d'horreur. Ah ouais, c'est pas. Ça a même l'effet inverse. Je repars vraiment pour des mois de morse. Je suis désolée. Ouais, le mais week-end qu'en dernier, plus... Nat m'apaisait encore avec ça. Ça a 6 ans l'histoire. Mais ça commence à dater. Ah oui, là, il y a peut-être voit quelqu'un. C'était sous François Hollande. Hein. C'était sous François Hollande à l'époque. mais surtout que le film fait pas si peur que ça. Faut dire aux gens, c'est bah, un peu ridicule en fait. Oui, en moi vrai. C'est hilarant. Moi, et c'est réalisé par Kevin Smith qui a fait Claire. Ça peut être hilarant. Tu te rends bien compte, ça existait. À la limite, jusqu'à il y a 5 minutes, que ça n'est pas. Je peux bien admettre que c'est non, mais non, le fait que ça existait, bon. Tiré d'une histoire vraie, mais après, tu, tu peux rendre ça un peu, tu vois. Un peu funky fresh. Genre Antoniente. Alors attends, non, en vois. Plus, c'est si du buzz, je dis pas de bêtises, c'est du buzz qui la fait victime mort, ça, hein. A pas un air d'Adrien. Oula, c'est attention. Justin Long, mais non, mais il y a pas une c'est le mec des pubs Apple. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, bah, il est blanc, c'est du racisme anti-blanc. mets deux baguettes dans tes lèvres, je fais un malaise, Adrien. Ah, c'est Justin Long qui se fait kidnapper. Ouais, c'est ça. Non mais c'est un bon petit film. Non mais de moi j'ai écrit un film d'horreur récemment avec Sébastien Vanisek et c'est vrai qu'il y a un truc où tu dois un peu réfléchir à des parfois des mises à mort un peu hardcore et c'est assez, mais en vérité c'est ben assez oui, cathartique. Bien sûr. Ça, nous, c'est de mais la on fiction, a tous une pulsion de mort en nous. De je te jure que non. Mais si. Ah ouais. Mais ah justement. Non. T'as jamais été avec quelqu'un et là t'as une fourchette, tu dis et qu'est-ce que ça ferait si je lui plantais dans l'œil. T'as jamais pensé à ça, mais tout le monde fait ça. Ils sont tellement enfouis que c'est peut-être toi qui. J'arrive pas à savoir si vous riez. Non, en vérité. Non, en vrai, non mais c'est un truc de psychologie de dire. Moi par exemple. Régulièrement, quand je prends le métro ou le bus, ouais. Hey, si je pousse quelqu'un. Non, moi, si tu sautes, ouais. Moi je me dis, non pas pousser quelqu'un, mais non. Moi je me dis souvent, là, je perds un pas en avant, je meurs. Ouais, ça, moi tout le temps. Mais bien tout sûr. Et même maintenant que j'ai une fille, c'est encore pire. Dès que je vois ma fille, je fais, bah là, elle peut mourir absolument de telle manière. Et donc, du coup, t'es toujours un peu cerné par la mort, tu vois, ce que tu te dis, bah là, on peut mourir tout le temps. Ça fait partie de la vie. mais tu pisses dans un canal, toi. Oh, ah non, merde, c'est dans le futur, ils vont pas comprendre les gens. Bon, c'est pas grave. De ta face à toi. Je suis effrayée. Mais non, mais il y a plein. C'est cool non, que t'aies pas ça, ça parce que non, ça. Non, c'est pas cool. Oh là. Au contraire. Là, c'est toi qui est bizarre, mais ouais. C'est toi qui est bizarre. Ça veut dire que parce que les gens qui ont pas ça, c'est les sociopathes qui tuent. Non, non, non, non, Mélodie, mais non, pas du tout. Parce que chez les autres gens, ça reste un truc de fantasme et ça, c'est balayé. Mais les gens, justement. Non, mais en vérité, c'est super intéressant. Obligé de le faire pour de vrai, tu vois. Non, mais en vérité, mais en plus, t'es sauvé d'une queuse. Ah oui, c'est vrai. C'est qui? Bah, y a une attends, je peux te la trouver. Ah, c'est pas ton sosie, mais tu l'avais partagé en disant. Il y a une célèbre tueuse anglaise, je crois. Oui, absolument. Qui a tué est, des enfants, hélas, un truc sordide. Ah, moi, il m'arrive une histoire de sosie. C'est pour mais ça que tu t'es. Oui, je vois, mais c'est loin. Mais d'accord. Mais c'est drôle. Regarde mon album de sosie. Ah oui. Vanu-pied. Oui, Adrien, il sosie de Vanu-pied. Je sais qu'il y en a un autre, mais je peux pas le dire. Non. Ah, puis moi aussi, j'ai eu une histoire de sosie récemment, mais je vais pas en parler ici. Moi, Twitter, j'en ai marre, on me compare tout le temps à Gal Gadot. Oh, merde. Oh là là, mais oh, quelle vie. On se ressemble chiant. Comme deux gouttes d'eau, c'est vrai. C'est vrai que je m'étais comme fait la... Comme deux gouttes d'eau. Oh. Oh. Je suis Gal Gadot. Gal Gadot. La version cheap. Écoutez, là... On est sur un petit rebord, mais on se dirige tout doucement vers la fin hein, de ce podcast, je vous le dis tout de suite. Ouais. Avant, un dernier petit comme ça bah pour oui, la blague. Attends, un 4 heures du un matin. Un mur d'escalade un peu particulier a ouvert ses portes à New York. Quel en est le concept ? Harry Potter. Non, et oh. C'est le mur que Trump n'a pas construit. Oh, pas du oh. tout. Ah, c'est des idées. Alors, génial qu'il a ce mec. C'est un mur c'est à thème. Ah, c'est la décoration du mur qui a thème. Tout à fait. Et pop c'est... culture. Pas du tout pop culture. Stranger Things. C'est Sings. Le mur de Berlin. Non, vraiment. Pas pop culture. L'inverse. Pop culture, non. Stranger Things. Non. Sinon, j'aurais déjà ma carte. Vous imaginez bien dans la pop culture. Jeffrey Dahmer d'escalade. C'est pas du meilleur goût, mais elle a ouvert. Non, c'est pas ça. Oh mais ce chien est adorable, pardon. Il y a le lac et là. Il est super, mais l'élé. Je sais pas si vous l'avez déjà vu sur les réseaux de Nat, mais elle a un chien et il s'agit d'un véritable sphinx. Alors moi je suis vraiment. C'est pour ça que j'ai envie de faire le masque. Pas moi qui jugerais la présence des chiens. Bah puis moi non plus. Alors là, en ami proche, ma fille, à toutes les sauces. Tu me juges quand même sur ça. Pas du tout. Arrête. Je te juge sur plein d'autres choses, mais pas sur ça. Ah ouais. Votre avis. Alors c'est sur un mur d'escalade. Pensez aux accroches. C'est plutôt par les bites. Alors, des bites et des vagins, des vulves, pardon, parce que c'est inclusif, bien sûr. Alors, je vais passer à des vulves, j'ai pas bien vu. Il y a des vulves, Mais il y a surtout des bites, des culs et des nichons. Bon, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, il y a une ambiance. Oh, les belles photos. Ah, bah, quoi, ouais. Ça fait des souvenirs. Ça fait des tu belles peux photos. Agripper un cul, vraiment. Bah ouais. Oui, la chance. Mais surtout, moi, t'as trouvé vite. J'ai du mal à. Bah, il adore la baise, hein, pour sa défense. Ouais. Vous aimez l'escalade et vous pratiquez de manière régulière ce sport en pleine nature et même en salle. Une chose est sûre, vous n'avez jamais vu un mur comme celui-ci. Mompas et Parr, créateurs d'expériences interactives et amusantes, ont imaginé un mur d'escalade absolument improbable aux formes érotiques. Baptisé Grope Mountain, cette installation a été lancée pour la première fois en 2015. Et si, pour grimper jusqu'au 7ème ciel, peut-être pour grimper au rideau. Et faut trouver le clitoris ou quoi dans le jeu parce que... Oh, attendez pas ça des je hommes. Je le trouve pas. Les murs d'escalade ont jamais. Les petits conseils sexo de Tati. Tati Bélo. Bon, alors là, si vous commencez à attendre ça. Même avec un GPS, il trouverait pas. Bon, bah celui-là, il trouve facilement la porte du frigo. Ça mais fait pas des les... années qu'il le cherche. Les explorateurs. Harry Park, cofondateur du studio de design, s'exprime à ce sujet. Les murs d'escalade sont perçus comme un lieu de sport, de bien-être et de divertissement, mais peuvent aussi être érotiques. Pas forcément. Non. Grope Mountain allie le sport et la sensualité à la joie de la physicalité, à la sensation du toucher et aux délices du corps non, dans des postures allongées. Non, le toucher allongées. Quoi c'est des trucs, de, c'est des prises, de, rien du tout. Depuis c'est l'installation qui a beaucoup fait couler d'encre nul. Sur les médias. Est-ce qu'on peut dire aux gens, c'est nul. Ah, c'est nul. Votre idée, vous prenez de l'espace pour rien. Mais sous fond de... Oui, vous pourriez faire un avril SDF et vous faites ça, bah, bravo les Londoniens. Oui. Sous fond de provocation, l'initiative créative a en tout cas le mérite de surprendre et de faire parler d'elle. Ce n'est vous pas un mérite. Souvent je dis, c'est une phrase un peu toute faite, ce n'est pas un mérite de faire parler de soi. Oui, voilà. Ah, c'est simple. Je leur souhaite la faillite très rapidement. On va passer au reco culturel. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit avant l'émission, mais. Je crois qu'elle vient l'émis. Genre le gros. Oh non. Je ne voulais pas l'émis, mais il va falloir penser à des reco culturels. Alors, c'est quelque chose que vous avez consommé récemment, mais pas forcément quelque chose de récent. Putain, j'ai puisque. Et ça a tout mélangé BD, livre. Oh, alors BD, livre, vidéo YouTube. Tout, par exemple, bah, pour en faire un comme ça, faut vous dire, moi j'ai adoré, et ce n'est pas parce qu'il nous prête gracieusement ses locaux, mais la vidéo de Squeezie avec Eric et Ramzy, voilà, qui m'a fait plaisir. Et Eric et Ramzy dans le podcast, on aimerait. On en rêve. Ramzy, c'était déjà extraordinaire, mais si en plus on a Eric, faisons déjà en plusieurs coups. Si on a déjà Eric, c'est cool, et après on fera Eric et Ramzy, et après on arrête le podcast, on n'en parle plus. Non, mais moi qui suis un très très grand fan d'Eric et Ramzy, vraiment depuis tout petit, depuis la cassette de leur spectacle au Palais des Glaces. Ça a été un bonheur de les voir là-dedans, mais en même temps, ça me lance un petit sujet que je partage avec vous parce que j'ai vu des gens mal à l'aise. Enfin, c'est une minorité. Hein, la vidéo est un immense succès, mais sur un moment, je sais pas si vous l'avez vu tous autour de la table cette vidéo. Oui. Ouais. Mélo, tu l'as vu toi la vidéo de Eric et Ramzy. Ouais. Nathalie, j'ai pas vu en entier, mais je voudrais. À un moment, il y a un mec qui est ombrophage. Oui, j'ai vu ce passage. Ouais. C'est donc, très drôle. Et c'est très drôle, mais il y a des commentaires. Qui disent oh là là vous vous moquez machin etc oui, là, là, là. Bon, et non mais alors c'est intéressant parce que À titre personnel, j'ai donc écrit en partie. Il lui a dit bon courage à la fin, c'est ça qui est. Non, mais j'ai écrit en partie aussi le rose de McFly Carito, qui a aussi un peu divisé sur TikTok, plus sur TikTok d'ailleurs que sur les commentaires. Non, mais attends, sur TikTok, j'ai vu, les gens ont rajouté une musique de violon très triste, évidemment, que ça prend toute une autre tournure avec une musique dramatique. Mais c'est rigolo parce que ça va un peu dans ce truc, donc je. Mais l'ombriste, il se marre en face, il rigole. Ouais, bah oui. Donc tout va bien. Oui, et puis surtout. Il rit ensemble, il ne se moque pas de lui, il rit ensemble. Et c'est monté, donc si la personne ne veut pas que le truc sorte, ça ne serait pas sorti, rassurez-vous, l'idée c'est pas de piéger les gens, mais ça pose la question de est-ce que parce que on est tous pour la bienveillance, mais dans certains cadres c'est un peu drôle de vanner, méchanceté, de taquiner. Comment vous êtes vous autour de ça? Bon, Adrien, je connais un peu la réponse, mais j'ai pas trouvé ça très méchant non plus. C'est des vannes sur de l'ombre. Sur le fait que c'est leur métier et que du coup tu ridiculises un peu leur métier. Mais encore une fois, je vous parle de ça, c'est une minorité de gens, mais je l'ai vu un peu. Et Ricky Ramsey, c'était aussi eux qui avaient pété le Lego de McFly et Carlito. Et moi, ça m'avait fait hurler de rire parce que c'est vrai que quand j'étais ado, tous les humoristes cassaient tout. Genre, moi j'étais fan de Jackass, de Morning Live. Enfin, il y avait un espèce de truc un peu sale gosse que j'aimais bien. Donc quand je vois ça, ça me fait. Et en plus, c'est pas juste il pète, il joue le truc qui est vraiment marrant, genre on n'a pas fait exprès. Voilà. Mais pareil, j'avais vu des réactions mitigées de ah ouais, moi je vois l'assistant qui va devoir le remonter, etc. C'est un grand truc d'internet. C'est les gens qui inventent une personne en qui avoir de l'empathie. Tu sais. Et l'assistant, t'en sais rien en fait. Enfin, c'est genre et t'imagines la personne qui regarde ça et c'est justement exactement sa vie. Bah t'es en train d'inventer une personne pour justifier. Enfin, tu vois, c'est genre. Tu sais pas, moi en vrai, le truc où ils avaient cassé le Lego, je m'étais dit un peu abusé. Après, bon bah voilà, genre effectivement, McFly et Carlito, ils sont dans la position de l'ombroman, ça les fait marrer. C'est, je sais pas, voilà. Et en plus, il faut savoir que c'est du divertissement. Non, parce que je veux dire, c'est que dans ce genre d'humour un peu, il y a un peu un accord tacite où tu sens si la personne est réceptive et si ça le fait marrer. Enfin, tu vois, c'est genre. C'est ce que j'allais dire, c'est du divertissement monté. C'est-à-dire que si vraiment il y avait un problème, vous croyez pas que les gens balancent. C'est pas des pranks, tu vois, c'est pas des gens où c'est contre leur truc ou dans le dos. Les gens savent en venant que. Ils savent en venant et ils savent à la fin du montage, il n'y a pas de piège, tu vois. Si jamais, j'en sais rien, l'ombroman avait dit, bah non, vous chiez sur mon métier, naninaninana. Bah oui, évidemment qu'ils auraient remonté un peu le truc, etc. Et pour le roast, c'est exactement la même chose. Et pour le roast, on a coupé des blagues. On a des blagues qu'on a. Pour le roast, lesquelles, par exemple? Je vais tous vous les faire. Le roast, c'est encore. Enfin, le roast, là, c'est le principe. Tu sais que tu viens pour ça, quoi. Ouais, c'est même pas. Il y a même pas de. Là, l'accord, c'est même pas un accord tacite. C'est genre. Ouais. Tu viens, c'est le principe du truc, quoi. C'est pas pour. Mais la plupart des gens qui ont participé au roast disaient même. Oh, ça va, en vrai. Enfin, attendez à des trucs beaucoup plus violents. Enfin, en tout cas, à des blagues plus dures et plus perso, etc. Bon, moi, je trouve qu'il y en a quand même des vénères, mais tout le monde était content. Mais j'ai vu des trucs, j'ai vu des TikTok sortir ou des machins, genre mais parce Cyprien, plus, ça se voit que ça lui fait du mal quand il dit ça. Mais pas du tout. Je crois que Jenny a des paillettes sur les yeux et on dirait qu'elle a les yeux humides et qu'elle pleure. Ouais. Et plus la musique triste, effectivement, on dirait qu'elle est au bord et au début du de faire une bêtise. Et une grosse bêtise. Devant tout le monde sur YouTube. Non, mais même au début de la vidéo, on dit qu'elle est susceptible, ce qui est vrai. Et donc, du coup, je pense que les gens ils projettent tout de suite. Ils disent voilà, elle déteste tout, machin et tout. Mais encore une fois. La seule femme du cast, et du coup peut-être qu'il y a un côté ça met dans la tête des gens un côté acharnement et j'en sais pas, mais non. Puis en plus le fait est que c'est vraiment une bonne comédienne et en fait avant le tournage on avait dit aux gens essayez de pas trop vous marrer quand vous faites les punchs parce que ça casse les blagues et donc elle est vraiment elle garde son sérieux et elle lit vachement bien les vannes, donc du coup elle rit pas. Et c'est vrai qu'il y a eu un effet un peu kiss cool du coup dans le truc où vu qu'elle riait pas et que c'était, je pense aussi, la seule meuf, les gens osaient pas trop rire, tu vois, ils disaient merde, ça, et qu'on avait dit elle est susceptible, enfin en blague, mais elle est susceptible et tout. Et du coup, effectivement, il y a un truc un peu étrange autour de sa prestation parce que du coup, elle rigole pas, donc les gens osent pas trop rigoler, mais ça l'a pas du tout vexé, au contraire, ça l'a vachement amusé. Et encore une fois, si ça l'avait vexé, les blagues auraient été coupées. Je vous ferai les blagues si vous vous abonnez à Acast Plus pour 5 euros par mois, je vous ferai les blagues. Non mais voilà, toi tu es sensible à ce genre d'humour, ces trucs un peu moi j'ai parce du mal ça t'a été proposé le roast de McFly Carlito. Oui c'est vrai et j'ai eu un peu en fait après c'était la première, ça avait jamais après, été franchement, fait franchement le mini bad buzz des stand-up de merde, je me suis dit bon là c'est un nouveau concept, je préfère voir ce que ça va donner. J'ai adoré d'ailleurs, j'ai trouvé ça justement dosé, donc j'ai apprécié. Mais pourquoi pas, si on a un autre, je me sentirais capable de le faire. Ben, je pense que ça a aussi souffert de ça. C'est-à-dire qu'il faut. Et puis surtout, toi, quand ils te l'ont proposé, il y avait d'autres noms. Et après, derrière, ce qui a été cool, c'est que ça a été. Oui, il y avait d'autres noms où je me sentais pas capable de roaster ces personnes parce que je suis pas spécialement proche d'eux, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, moi, c'est pour ça à la base. Parce que à la base, on devait l'écrire tous les en deux. En duo, ouais. Ce truc, il nous avait proposé à tous les deux. Ouais. Et j'avais refusé à la base pour la même raison. C'est-à-dire que moi, j'avais demandé le cast. Bon, déjà, il y avait genre 3 personnes. Et c'était des gens que je connaissais pas. J'avais pas d'affinité. En plus, je connaissais pas forcément ce qu'ils faisaient. Et je disais, bah, Et puis, j'ai pas envie d'écrire ouais. des vannes. Enfin, du coup, ça va être. Moi, ça me plaît, c'est des gens que je connais. Et du coup, ils savent que ça part d'un endroit pas malveillant, tu vois. Bah moi j'ai un peu forcé. Et après justement. Du coup ils ont changé complètement le cast et du coup j'ai dit ah bah je l'aurais fait si j'avais su que ça avait pas été ce cast là qu'on m'a proposé. Je sais que Léopold par exemple ils lui ont proposé vraiment 24 heures avant quoi, ça s'est vraiment fait un peu à l'arrache, mais effectivement je trouve que ça marche mieux quand c'est des gens que tu connais. Parce que bah moi, oui. quand bien quand... sûr, tu peux rentrer dans des détails, des trucs un peu plus. Tu sais ce que t'as le droit de faire. Ouais. Big Flo, c'est peut-être un des plus violents, oui, mais parce qu'on fait ça dans la vie. Dans la vie, donc on a le droit. Mais oui, moi j'avais fait ça à mon anniversaire et j'avais kiffé. Vous étiez tous là d'ailleurs. Vous aviez aussi. Oui. Ah oui, Adrien avait présenté. Ah oui. Adrien avait vanné très fort. Et ben il y avait aucune meuf à part ta copine. Clara avait cherché. Ah oui, on a le droit de dire oui, le prénom. Oui, on avait. La mère de mes enfants. Non, de mon enfant. Clara avait proposé à plein de nanas et aucune ne se sentait de le faire. Alors que les mecs, ils sont tous allés à cœur joie. Mais du coup, elle l'a fait. Mais ce qui est mieux, elle l'a fait elle-même. Bah oui, c'est-à-dire que moi, à vie, j'ai cette image incroyable de ma meuf qui me vanne. Avec un texte coécrit avec Baptiste Le Caplain, donc autant vous dire, d'une finesse extraordinaire. Mais elle était enceinte. Et elle était, oui, c'est ce que j'allais dire, elle était enceinte de octobre, donc de mois, de 7 mois, de 7 mois. Non, mais donc vraiment très enceinte. Et donc moi, pour vous donner un peu la mise en scène, on était dans une salle et j'étais assis tout seul. Il y avait une scène devant moi et donc j'ai eu cette image à vie de elle qui me lâche des vannes. Et qui les vend en ayant un peu honte parce qu'elle, elle déteste ça. Elle, pour le coup, quand j'en regarde ou quand je lui montre, c'est-à-dire qu'elle ne capte même pas le concept. Elle dit juste, bah, c'est juste extrêmement méchante. C'est un peu comme toi avec les films d'horreur. Il y a un truc de, mais en quoi c'est drôle? C'est juste de la méchanceté pure, ça doit leur faire mal. Et je dis, bah non, justement, c'est ça qui est drôle. Bon, bref. Et ça a été un. Ouais, j'y pense souvent. C'est elle un très joli excellente. Souvenir. Elle était exceptionnelle. Ah ouais, elle était excellente. Elle est exceptionnelle en règle générale. Bien sûr. Même si elle aime Harry Potter. Enfin bon, bref, on va pas. Adrien, qu'est-ce que tu as comme recommandation culturelle que tu as envie absolument de partager? Absolument rien, parce que j'ai été parti pris, sur autre chose. J'ai pris, mais oui. pris dans le sujet. Mais Mélodie, est-ce que tu as une idée de quelque chose? Moi, j'ai gratté loin. Ah, et je vais du coup te nommer le dernier film que j'ai vu, le film que j'ai adoré. Attends, Titanic. C'est très mal tourné. C'est pas le dernier film que j'ai vu. Le dernier film que j'ai adoré vraiment. Ah oui, vraiment. Que j'ai regardé avec vous deux, ici présents. Ah. Qui est Last Night in Soho. Ah oui, que j'ai adoré. On l'a vu chez moi. Ouais, on l'a vu, c'était dans ta maison. Et bien, je l'ai adoré. Ouais, c'était vachement cool. Marqué. Ouais. C'est un film, c'est pas un film d'horreur, mais il y a un peu un suspense d'Edgar Wright. Non, mais c'est pour expliquer un peu l'histoire, mais je te laisse. Mais c'est vrai que c'est pas du tout d'horreur, parce que vous l'avez bien compris. C'est pas ta tasse de thé. Absolument pas ça. Ouais, c'est plus de suspense. Non, mais je l'ai vraiment adoré. Il y a des fantômes un peu dedans. Il y a des fantômes, il y a des doubles personnalités. Des fantômes. Nathalie ? Ah oui, alors moi, c'était avant-hier, j'ai vu passer une story de Jérémy Nadeau, puisqu'il joue dans une nouvelle série Prime. Oui, c'est ça. Cœur noir. Je vais vous lire le pitch parce que j'ai pas envie de me tromper vu que c'est un truc très précis. Les forces spéciales françaises sont déployées en Irak à la veille de la bataille de Mossoul en octobre 2016. Ok. Voilà. Et en fait, à la base, c'est pas du tout un truc qui m'aurait attiré parce que c'est, ça parle de guerre, de. C'est récent, 2016, oui, c'est proche de nous, en plus. De terrorisme, ouais. Et je me suis dit, je vais juste regarder parce que j'ai envie de voir ce que faisait mon ex-collègue. Il est plus trop sur YouTube, je crois. Je sais pas trop. Et donc, comme ça, par curiosité. Et en fait, j'ai adoré. Ça m'a vraiment prise. Ça m'a... Je sais pas, les tensions, les enjeux. Ça m'a vraiment attrapé, quoi. Et c'est sur Prime Video, c'est ça, je crois ? Totalement. Ouais, c'est ça, Prime Video. Et j'ai regardé plusieurs épisodes d'affilée. Ok, donc c'est du drame, c'est plutôt. Enfin, suspense, oui, oui. Action. Ah, c'est de la comédie en Irak. Il y a des voitures qui sautent et boum, bam, boum. C'est... Une jambe en moins. Ça, c'est le bêtisier. C'est le bêtisier à la fin pendant c'est les générique. Bloopers. Non, mais... Très bien. Non, c'est assez intense. C'est lourd, quoi. C'est ça. Et ça joue bien. C'est réaliste. Et c'est français, Cocorico. Et c'est français. Donc, bravo. Quant à moi, parce que je parlais d'Eric Aramis, c'était pour lancer ce sujet, mais j'ai également vu un film que j'ai trouvé... Alors, c'est pas un chef-d'œuvre, mais j'ai vraiment kiffé sur le moment. Et en plus, c'est un film d'1h32, donc qui déjà... grâce à mes yeux, car j'adore les films courts, ça s'appelle Knock at the Cabin. Bah, sur TikTok, hein, en fait. C'est vrai, mais j'aime pas TikTok, c'est trop court. Un juste milieu entre Avatar et TikTok. Et ça s'appelle Knock at the Cabin. C'est écrit et réalisé par M. Night Shyamalan, qui a fait Sixième Sens, qui a fait surtout un de mes films préférés qui s'appelle Incassable. Voilà, si vous n'avez pas vu Incassable avec Bruce Willis et Mel Jackson, c'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment un de mes films préférés. Et ça, c'est son nouveau film. Le concept est très simple. C'est un couple de deux hommes qui ont une petite fille adoptée et ils sont en vacances et il y a quatre personnes, deux mecs, deux meufs qui viennent, qui les séquestrent et qui leur disent voilà, mais très gentiment. Tu veux voir Mélo, ça t'intéresse? Ah bah tu vas voir. J'attends qu'il aille au bout. Il n'y a pas de morse dedans. Qui les séquestrent, mais gentiment, vraiment en disant on est désolé de faire ça, pardon, mais en disant le problème c'est il faut que vous avez été choisi. Il faut que vous tuiez un des membres de votre famille, sinon c'est la fin du monde. Bon. Voilà. Ouais. Et donc c'est ce dilemme-là. C'est un prank. Et c'est Greg Guillotin. Ok. Qui joue le... Avec le dauphin. Et c'est ça le concept de base. Et évidemment, il y a tout ce truc de sonce. Des allumés, des gens sectaires, ouais, un peu si foufou. Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Et en fait, au fil du film, justement, il joue avec ça. C'est un huis clos ou... C'est un huis clos, avec des fois, il montre ce qui se passe à la télé ou des choses pour... voilà. Pas mal, j'aime bien les et huis clos. Pas si mal. Alors, c'est très décevant. Pas si... Oh, bah, sur la fin. Mais, bah, parce que forcément, des films, je trouve... Moi, c'est très dur, les films avec high concept, c'est très difficile de tenir ses promesses, souvent. Parce que des fois, ça monte. Et Shyamalan... Souvent la bah, fin. Il mise, enfin, il y a une époque en tout cas où il misait un peu tout sur son twist. C'est ça. Moi je trouve que c'était raté dans Signs par exemple. Ouais ouais ouais. C'est genre, ouais bon c'est. Ouais ouais vraiment, c'est ça. Tu nous as fait espérer. Mais là ce qui est vachement bien parce que souvent c'est quelque chose que je trouve qu'on dit pas assez de certains réalisateurs qui ont des gimmicks, c'est que tu oublies les autres qualités. Par exemple Quentin Dupieux, c'est oui bon c'est absurde, mais ce qu'on dit jamais de Quentin Dupieux c'est que les acteurs jouent toujours trop bien. C'est-à-dire que c'est un grand directeur d'acteurs Quentin Dupieux. Et là c'est pareil, je trouve que dans le Shyamalan il écrit pas les dialogues sont pas incroyables, mais les acteurs et Dave Bautista le catcheur qui joue dans les Gardiens de la Galaxie, il est incroyable dans le film. Enfin et vraiment tout le cast est vraiment stylé. Et c'est un bon film popcorn. Voilà. Donc si vous voulez aller au cinéma pendant une heure et demie et vous passez un petit moment sympatoche. C'est au Cinoche, je crois que c'était. C'est au Cinoche. Ah oui, moi c'est la grande salle. Pas la petite lucarne. Avec les bobines scotchées entre. Moi, s'il y a pas de la bobine, pour moi c'est pas du cinéma. non, c'est un super film, c'est vraiment bien et c'est encore une fois c'est une bonne série B de Halloween si vous avez pas envie de voir un truc trop gore. Ça, par c'est exemple. Sympatoche. Voilà, ça, c'est sympatoche. Knock at the Cabin, et voilà. Alors, moi, j'ai revu Punch Drunk Love. Oh, quel chef-d'œuvre. Voilà, j'adore quel incroyable ce film. Vraiment très, très bien. Mais c'est quoi? C'est un film de Paul Thomas Anderson. C'est avec Adam Sandler. Je crois que c'est son premier rôle, genre pas. Ouais, il y avait le film de James L. Brooks aussi, Spanglish. Bien sûr, mais je connais. mais c'est son premier rôle où tout le monde a dit ah, ouais, wow, en fait, ah, il oui, s'est joué. En fait, c'est pas une comédie, quoi. C'est un peu dur à décrire. C'est une mais histoire c'est, d'amour. C'est une histoire d'amour avec un mec qui est un peu. En vrai, en le revoyant maintenant, je me suis dit ouais, il est Asperger en fait. Oui, quoi, je le pense. Mec, ouais. il y a un truc comme ça. Mais c'est ça, jamais quoi. Diagnostiqué dans le film. C'est ça, ouais. C'est jamais dit. Mais bon, en tout cas, c'est un mec qui est un peu inadapté socialement, qui est un peu différent et tout, donc qui est joué par Adam Sandler et qui ouais, c'est une histoire d'amour quoi. Et puis ça, enfin, c'est un peu une sorte de fable. Enfin, c'est. Mais la réalisation est incroyable. Après, je dis fable alors que généralement quand on décrit un film comme une fable, je déteste donc. Non mais cela dit, le début en plus peut faire un peu peur si vous êtes pas très film d'auteur, truc comme ça. Il se passe des trucs chelous au début, tu fais wow, qu'est-ce que c'est que ce oui, film c'est avec un peu... le piano, les choses comme ça, l'accident de voiture. Mais franchement, c'est un superbe film. Ouais, c'est vraiment très beau et pareil, ça dure une heure et demie, je crois. C'est un peu drôle, c'est touchant et puis, enfin, je sais pas. Moi, je me souviens, je l'avais vu quand j'étais jeune et ça m'a vachement. Vachement touché, ouais. Vachement parlé aussi sur certains trucs très précis de, en fait, il a des sœurs et c'est le genre de truc que je déteste, c'est les gens qui parlent de quelqu'un à la troisième personne comme s'il n'était pas dans la pièce. Tu dis, oh bah lui, c'est le genre à dire ça. Et tu dis, ouais, mais je suis dans la pièce. Ouais. Enfin, c'est des situations très précises, mais je trouve ça assez touchant, parlant et tout, et le personnage qui souffre de ça et tout, enfin, c'est. C'est un très beau film. De Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, mes réalisateurs préférés. Ouais, moi j'aime beaucoup. C'est aussi. Un incroyable réalisateur. Et je trouve que c'est un super film pour commencer avec lui. Parce que sinon, il est Magnolia, Boogie Nights, ça dure 3 heures. Et puis, c'est 3 heures Boogie Nights. Ah ouais, ou 2h40. On va pas passer. On va pas passer. C'est vraiment un super film aussi. Et derrière, il a fait There Will Be Blood. Enfin, moi, je trouve qu'il a fait quasiment que des chefs-d'œuvre. Et les moins bons films sont quand même des films incroyables, je trouve. Et Punch Drunk Love a fait partie du panier. J'adore ce film. Et il y a aussi ton acteur que t'adores, Philip Seymour Hoffman. Bah, bien sûr, mais incroyable. C'était un peu son acteur fétiche. Ouais, bah, il est dans quasi tous ses films. Ouais. Et donc voilà. Non, et sinon, un podcast vite fait qui s'appelle Les Baladeurs. Qui est juste un podcast de récit d'aventure en gros. Comme Jack Mimoun, tu veux dire? Oui, c'est très bien. On va qu'il est disponible en VOD si vous cherchez un petit film. Il en parle d'ailleurs. Parce qu'Adrien l'a vu, il le conseille pas dans les recos. Après, quel crédit on accorderait à ça si je le disais? C'est vrai. Puis payez-moi. Je fais une story, merde. Non, en gros, c'est des récits d'aventures racontés. Alors, c'est des aventures. Enfin, c'est des gens qui disent, par exemple, j'ai voulu gravir une montagne, et puis ils racontent un peu les gens qu'ils ont rencontrés, les embûches qu'ils ont connues et tout. C'est pas des trucs. Il y a pas de trucs graves et tout. Enfin, c'est vraiment de l'aventure cool et tout. C'est raconté par les gens qui ont vécu le truc, et il y a un peu du sound design et tout pour que ce soit un peu immersif. Et c'est l'inverse d'un film d'horreur, du coup, tu vois. C'est vraiment un truc t'écoutes, c'est cool. T'écoutes quelqu'un qui raconte une histoire et tout. Pour s'endormir, ça peut être un très bon podcast. Pour pas faire de la concurrence à ton podcast, pour s'endormir. Attention. Les histoires chiantes pour dormir. De Nathalie. C'est sur, que sur Deezer, toi, je crois. C'est Deezer. Deezer, ouais, c'est ça. Bah là, c'est sur toutes les plateformes, sans vouloir faire de la concurrence. Mais vous, c'est le même concept que moi, non? Vous racontez que les trucs chiants pour dormir. Pour dormir, sauf que c'est tellement mal mixé que des fois, on réveille les gens hurlant. Voilà, c'est ça. Merci. Rires. Merci en tout cas d'être venu, les filles, dans ce podcast. Merci les Miss. Merci les Girls. Merci d'être venu avec un Z, hein, merci Girls. Merci les Girls. Non, mais voilà, petit tour de table. Mélo, je sais que tu t'es relancé sur YouTube, tu fais des vlogs. Oui. Oh, wow. Voilà, bien sûr. Bah absolument. Oui. Et oui, j'ai regardé le dernier avec le bureau où je me suis reconnu dans cette histoire de bureau parce que je galère. Ah oui. Bah pour la chambre de Johan, ça a été tout un truc aussi de où est-ce qu'on peut mettre les affaires. De comment réorganiser. La réorganisation. Ouais. Non. Donc j'ai regardé ça. J'ai adoré parce que ma mère m'a envoyé un texto ce matin parce que dans le vlog, je dis si vous avez des conseils, des coups, machin, je suis nulle, bref. Et donc du coup, pour expliquer, dans le vlog, je réaménage mon bureau et il y a une fenêtre et ma mère m'a envoyé un texto ce matin pour me dire coucou ma chérie. Je te conseille de mettre la fenêtre, le bureau devant la fenêtre. Et j'ai fait, oh, bah, c'est de famille, hein, le problème de déco. Non, pour que la fenêtre ne puisse plus jamais s'ouvrir. Hein. J'ai même pas répondu. Je veux pas l'insulter, mais. Inadapté. Mais c'est très pratique, ça tape dans l'écran à chaque fois. Enfin, c'est vraiment. Et non, aucun sens. Collé à la fenêtre. Je me suis dit, bon, bah, c'est génétique, en fait. Au moins, j'ai l'explication. Nathalie? Question des projets. Bah oui, ta chaîne, le nom de ta chaîne, c'est Mélococo. Mélococo. Oui, parce qu'avant l'émission, on faisait des blagues sur le fait que quand les gens demandent c'est quoi tes projets en ce moment et que toi tu n'aimais pas. Moi je dis juste, je fais mes vidéos comme depuis 12 ans. C'est ça. Et il y a c'est normal quoi. Oui. Et on dit ah oui, t'as pas un gros projet? Bah non, en fait, je suis très contente comme ça. Je suis ravie de ça. Le projet, Adrien? Ne serait-ce pas d'être heureux? Absolument. Ce que tu disais hors antenne. Mon projet est de rester en vie. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà bien. Donc non, ta chaîne YouTube toujours. Ouais, voilà. Mais ceci dit, il y a quand même des trucs qui vont arriver. Puisque on le rappelle, on l'avait déjà dit dans un podcast, mais t'as joué dans un film. Oui. Il y a les 10 ans du bagel sur Canal+. Non mais c'est voilà, vrai. Il y a des choses. En fait, oui. Mais oui. Il y a des choses dans lesquelles Mélodie a joué également. Ah oui. Eh oui. Et j'ai fièrement. Un tout petit peu écrit dedans, mais c'est vraiment dans les un pubs. Chouïa. Ouais, c'est vrai. Tu es en collaboration. J'espère que ça sortira sur la chaîne YouTube quand même. Mais je crois, mais je parce que j'ai vu beaucoup de gens le dire en commentaire. Mais il y a aucune info quoi, là-dessus. Même nous, on n'a pas eu le lien pour pouvoir regarder cette émission en entier. Non, mais c'est toujours un peu flou ces trucs-là. Je n'ai pas eu de plus sain à la soirée de la flamme, je peux pas vous dire. Je peux raconter aux gens ça, c'est un peu rigolo, c'est pas grave. Bah vas-y, on s'en fout. Écoute. J'ai raconté en ami proche. Prends exemple sur Michel Blanc. Qui raconte... Parce que c'est qu'on a Flo m'a envoyé un lien d'une émission des années 80, je crois, où il y a. Pourquoi vous faites un petit? Non, rien du tout. Non, en fait, moi, non. Oui, pardon. Ouais. Tu tournes avec Michel Blanc? Non. Ok. Bon, il y a un truc, je sais pas. Mais en fait, moi, on est en couple depuis un an avec Italie, et ça va, on peut arrêter de. En fait, je baillais et j'essayais de sourire. J'ai vu qu'elle essayait de réfréner un bâillement. Voilà. Je pense parce que qu'il est 4h du matin maintenant. Non, pardon. Ah oui, tu t'en as marre en fait. Je parle trop, d'accord. Non, mais c'est pas de leur poche, c'est ça que je veux dire. On a regardé l'interview à l'ancienne de Michel Blanc et il y avait des trucs très marrants. Michel Blanc et Dominique Lavanant. Et il pose des questions. Enfin, vraiment, genre, à un moment, l'animateur demande à Michel Blanc, dans le Splendide, c'était qui le plus fou? Et donc, Michel Blanc, il dit, bah, fou de création ou fou normal? Il fait, non, non. Dans la vie. Dans la vie, le plus fou. Bah, Anémone. Et lui répond, bah, Anémone. Enfin, genre, et il y a vraiment un truc un peu plaisant de gens qui répondent. Il n'y a pas de langue de bois. Non, mais même à un moment, il parle du fait qu'il y a des réalisateurs qui le snobent parce qu'il a fait des comédies. Et ça, il dit les blases des réalisateurs. Il dit, bah, par exemple, machin, il m'appelle pas, machin, j'aimerais bien savoir pourquoi. Et tu fais, ah ouais, bah, vraiment, il disait les trucs à l'époque. Et ça fait un peu du bien. Voilà. C'est bien, dis, en vrai, on peut faire ça. Bah, je prends exemple. Non, mais en gros, il y a eu la soirée pour fêter les 400 milliards de vues de La Flamme et du Flambeau. Et donc, j'ai été invité par le service de presse de Canal, parce qu'ils invitent tout le monde. Et je demande si je peux avoir un plus 1 par mail. Et on me dit, Non. Et là, excès d'audace de ma part, je dis, excusez-moi, je me permets, je déteste ça. Et vraiment, je prends beaucoup de parcelles, vous avez vu dans la story. Oui. Et je dis, en fait, j'ai écrit sur les deux séries, je me disais, peut-être je peux insister et avoir un plus 1. Ce à quoi on m'a répondu, non, vraiment. Non. Mais pour qui tu te prends? Pour qui? Et donc, je n'ai pas eu le droit à mon plus 1. Et alors, au final, parce que ma story a été vue par les éminences Joe Coco et toute la team, donc j'ai eu le droit à un plus 1, mais je suis venu sans. Parce que là, vexé comme un pouf. Oh, quelle audace. Vexé comme un pouf. Ça n'était pas par choix, bien sûr. Non, pas par choix, mais il y a autre chose. Non, bien sûr. T'es pris un plan par la personne que tu voulais enlever. Tout simplement. Non, mais voilà, et à la soirée. Mais oui, il était à mon anniversaire, figure-toi. Mais oui, je sais bien. Et alors? Où les gens ont payé. Oui, c'est. Ne reparle pas. Oh là là là. Oh, elle est gênée. Et oui, on était dans un restaurant qui m'avait proposé de faire 50% sur la carte et toutes les boissons. Et au final, ça revenait quand même très cher. Ça revenait juste à un prix normal parce que c'était hors de prix. Et oui. Quelle honte. Catastrophe. On va donner le nom. Mais oui, comme Michel Blanc, j'allais dire balance le nom. Allez, le Michel Blanc. Non, pas de langue de bois. Bienvenue dans Flocasse, pas langue de bois. C'est le logo. À casse-pluche. Voilà. On dit les trucs. Et ce qui était un peu bizarre, et d'ailleurs je m'excuse auprès des gens qui faisaient ça parce que j'ai eu la pire réaction. À la soirée La Flamme, il y avait des intermittents, des comédiens qui jouaient les personnages de la série. Ce qui est un peu sympa, tu vois, quand il y a des influenceurs et donc des mecs qui étaient déguisés en perso en faisant d'une meuf qui faisait des bolasses et qui disait idée. Je suis à tu dis un peu sympa. Tu mets le dans ton vin, mais c'est. Je suis pas Michel Blanc. Mais comme ça, je fais Michel Noir. C'est cringe. Maîtrise tous les termes. Putain. Et, déjà, ça sent mauvais. Et donc il y avait beaucoup de persos et pareil, moi c'est un peu bizarre, c'est des persos que j'ai. Alors c'est des gamins. C'est mes gosses. Non mais c'est une adaptation. C'est ta création. Non parce que c'est un remake donc je les ai pas créés, mais bon ils disent des phrases que pour le coup oui j'ai imaginé des fois et donc c'était un peu long et à chaque fois je disais non mais merci et ils me disaient Moussaillon viens donc. L'alcool c'est pas cool. L'alcool c'est pas cool, bois un coup. L'alcool c'est pas cool. Et donc tu fais non moi je bois pas d'alcool, désolé. Patrice, vu que t'es Patrice. Donc je m'excuse auprès de ces gens qui sont comédiens et qui juste, vous avez des cachets. Parce que vraiment, en plus, il y en a eu beaucoup. Et vers la fin, je faisais non, t'es juste passé devant des gens déguisés. Je faisais non, j'étais tout seul. Enfin, vraiment, c'était horrible. Non, c'est une très mauvaise idée. On m'a demandé de hurler Marc dans un truc. Bon, bref. Il y avait plein de petits jeux. Jeux. Bah, c'était pas fait. Il y avait quoi d'autre, égale-nous. Je sais plus. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y avait Orelsan à la soirée et que j'ai vu une vidéo derrière où il participe à tous les trucs et je fais ah donc. J'ai réussi à être plus mal à l'aise qu'Orelsan, alors que souvent en vidéo, il a l'air de pas être méga à l'aise. Et j'ai dit, ah oui, donc je suis vraiment très loin. Bien, je veux bien cette vidéo. Moi aussi, si tu veux. Marc, je veux bien voir. Bon, merci tout le monde d'être venu. Merci pour l'invitation. C'était très cool. Bon, à très vite tout le monde. Bisous, ciao. Oui, ciao. Il s'agissait du Flow de Cast. Pardon.